Stephen King aime les magnettes de frigo, Stephen King aime les tableaux de Munch, Stephen King a écrit Sac d'os et Mick Garris l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, salut. Salut. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très très bien. Et toi? Bah ça va, on va parler d'un roman dont je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui, et je sais que tu l'as apprécié d'autant plus ta relecture. Oui, effectivement, alors que j'en avais déjà un très bon souvenir. Donc c'est parfait en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Sac d'os, Bag of Bones, en VO, est sorti en 1998, et son adaptation, c'est un téléfilm qui est aussi sorti chez nous sous le titre La Maison sur le Lac. Ah bon ? Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Les Blu-ray que tu trouves maintenant, ça reprend le titre Sac d'os, mais je crois que la diffusion originale en France, c'était La Maison sur le Lac. D'accord, mais pourtant le roman était sorti en France déjà à l'époque. Ah bah oui, depuis longtemps, oui, parce que le téléfilm date de 2011, et je crois qu'il a été diffusé en France pas avant 2015. Bizarre. Ouais. Et c'est donc un téléfilm en deux parties de 2 fois 80 minutes environ. Oui. Et je propose qu'on passe tout de suite au roman. Nous allons spoiler le livre et le film. Avertissement aussi, c'est un roman et donc un film violent qui parle notamment de racisme et d'agression sexuelle et de viol. Donc pour les personnes un peu sensibles à ça, voilà. Attention. Je préfère avertir. On y va ? On y va. Donc, Sac d'os nous raconte l'histoire de Mike Noonan, un romancier qui vient de perdre sa femme, enfin qui a perdu sa femme, et il a découvert qu'elle était enceinte au moment de sa mort accidentelle. Et il n'arrive pas à faire son deuil même après plusieurs années, il reste touché par le syndrome de la page blanche. Il ressort des vieux romans à lui qu'il avait écrits dans des périodes plus fastes, en faisant croire que c'est des nouveautés, mais il n'a plus rien écrit depuis des années, il bloque totalement. Technique de l'écureuil, comme il l'appelle lui-même. Ouais, c'est ça. Et il fait des rêves assez inquiétants qui vont le pousser à retourner dans une résidence secondaire dans le Maine, près d'un lac qui s'appelle Saralos et qu'il avait un peu oublié. Et donc il va se rendre compte, une fois arrivé là-bas, qu'il y a des présences inquiétantes, au moins une présence, il se dit vite qu'il y en a peut-être plusieurs chez lui. Et il va faire la rencontre aussi de Matty, qui est une jeune femme en lutte contre son ancien beau-père, vu que son mari est mort. Max Devor, un milliardaire qui veut la garde de sa petite fille, Kira. Et donc il va décider d'aider Matty. Rien à voir avec Death Note. Alors j'ai pas lu Death Note, donc je l'ai pas celle-là. Ah, bah c'est le pseudonyme du personnage qui se fait appeler Kira. D'accord. Qui commet ses crimes. D'accord, je ne savais pas. Faut vraiment que je lise Death Note un jour. Bon, pour le résumé, ça va, on en parlera un peu plus par la suite. Sac d'os, c'est un roman qui avait fait parler lui avant sa publication, mais pas à cause de l'histoire, mais parce que ça a été l'occasion d'un changement d'éditeur pour King. En fait, il était chez Viking depuis Dead Zone, mais son contrat arrivait sur sa fin, et donc il était en train de le renégocier. C'est Désolation, le dernier livre qu'il a publié chez Viking. Des articles parlent du fait que l'arrivée de Tom Clancy chez Viking, en fait, a créé une situation où il y avait deux très très gros auteurs pour un éditeur qui n'était pas si énorme que ça, et que donc, niveau financier, ça devenait dur de gérer tout ensemble au niveau de la trésorerie. Alors ça, je ne saurais pas entrer dans les détails, mais du coup, comme King était un peu moins gros que Clancy, c'est lui qui a dû laisser sa place. D'accord. Et il était donc à la recherche d'un nouvel éditeur en demandant visiblement une très grosse avance. D'après un article, il voulait passer au-dessus des 15 millions d'avance que lui donnait Viking pour chaque roman, en plus de royalties de 26% des ventes brutes. C'est pas mal. Donc c'est pas mal. Finalement, il va accepter une offre moindre au niveau de l'avance chez Simon & Schuster pour la collection Scribner, puisque l'avance n'est que de 2 millions, ce qui reste très confortable, mais avec une part d'intéressement sur les profits qui serait, d'après le journal Thor, de 55%. Ah oui, quand même. Ouais. Plus un remboursement des dépenses de recherche et compagnie. Oui. Voilà. Selon l'éditeur, le président de Simon & Schuster, c'est un modèle intéressant puisque finalement il réduit le risque pris par l'éditeur dans un premier temps. Oui, parce que l'avance n'est pas énorme. Puisque l'avance n'est pas énorme pour un tel auteur, en tout cas, on va dire. Et voilà, on se comprend. Et visiblement, ce qui intéressait aussi King, c'était de passer chez un auteur un peu plus prestigieux, un peu plus étiqueté « vraie littérature », entre guillemets. Par la suite, il a dit en interview qu'il regrettait un peu d'avoir eu des exigences de passer à plus de 15 millions d'avance. Il disait que c'était un peu de l'ambition mal placée. Et le deal avec Scribner, à l'origine, était pour 3 livres. Il y avait aussi « Anatomie de l'horreur » et « Cœur perdu en Atlantide » qui avaient été préachetés. Mais finalement, King est toujours chez eux aujourd'hui. Il publie la majorité de ses romans majeurs chez eux. Les plus petits sont souvent chez d'autres éditeurs. Mais ses gros romans et ses recueils de nouvelles, c'est chez Scribner. D'accord. Encore pour Fairy Tail qui va sortir. Le roman annoncé à l'origine est un très gros pavé de plus de 1000 pages, mais finalement, Sackdoss est pas mal plus court. Même si ça reste, même à l'échelle de King, un roman plutôt long. Oui, quand même. Et il est dédié à Naomi King, c'est le deuxième roman qu'il lui dédie après Salem. Donc Naomi King qui est sa fille, je crois que c'est la deuxième dans l'ordre de naissance. Le premier tirage est de 1,26 million d'exemplaires, et le livre va recevoir des critiques plutôt positives. Il y en a certains qui signalent dès l'époque que c'est un de ses livres les plus littéraires. Et le roman va recevoir le Bram Stoker Award du meilleur roman d'horreur en 1999, et la même année le August Dillers Award des British Fantasy Awards, et le prix Locus du meilleur roman d'horreur également. Donc il marche bien à l'époque, pourtant aujourd'hui je l'ai assez peu vu dans des listes des meilleurs kings, et dans les classements de tous les kings, il est souvent à une assez mauvaise place, je l'ai vu je crois au-delà de la 50e, et vers la 45e aussi. Et c'est un des romans où en VO c'est King lui-même qui lit le livre audio. Par rapport aux interviews que King a données sur le roman, je trouve surtout des interviews d'époque, donc qui datent de 99, où King parle notamment de sa vision des relations entre une jeune femme et un homme plus âgé. Donc il y a des propos qui ont un peu mal vieilli, on voit que King a pas mal évolué sur ces questions-là depuis, il parle notamment d'horloges biologiques qui poussent les hommes à avoir ce genre de désir pour des femmes plus jeunes. Bon, ce qui sont des propos qui aujourd'hui sont très connotés à droite, oui, c'était moins le cas à l'époque. Mais c'est un peu rigolo parce qu'il parle aussi de la façon dont sa femme le regarde quand il voit des jeunes filles dans la rue. Et ça, c'est un peu rigolo. Il dit n'avoir rien contre ce type de relation à partir du moment où tout le monde est consentant. Parlant, en prenant en exemple l'affaire Clinton, en disant qu'il voyait pas quel était le problème au-delà du fait que Clinton avait trompé sa femme. Bon, depuis, on a appris d'autres détails sur l'affaire Clinton, où visiblement tout n'était pas consenti, mais... pour l'époque, je comprends le propos de King. Et à noter, il dit quand même qu'il semble douter que ces relations puissent être durables à cause du décalage générationnel, et c'est pour ça qu'à un moment dans la narration, Mike parle de technique de romancier pour parler de la mort de Mattie, en fait, qui permet de sortir du problème que pose la relation sur le long terme. Donc King aborde aussi le problème de la violence masculine sur les femmes. Et donc voilà une citation que je trouve assez intéressante tirée d'une interview de l'époque. Je ne pense pas que ça soit là chez tous les hommes, mais chez la majorité, oui. Je pense que la majorité des hommes sont programmés pour être violents, le plus souvent à titre de défense, mais nous restons des créatures primitives, avec une vraie tendance à la violence. Je me souviens d'une fille avec qui j'étais sorti au lycée. Je l'ai revue quelques années plus tard et elle avait une trace de coup. Elle était sortie avec un gars qui voulait faire des choses qu'elle ne voulait pas faire, alors il l'avait frappée. Je n'ai jamais oublié ça. Ça a été un point de départ pour plusieurs de mes romans. Je me souviens de lui avoir dit à l'époque « Il faut du courage pour sortir avec un homme, non ?» Ça revient à dire « Je vais monter dans ta voiture, aller quelque part avec toi et te faire confiance pour que tu me ramènes en un seul morceau. C'est courageux. » Et elle m'a répondu « On ne peut jamais savoir. Les hommes sont dangereux. » Voilà, je trouve ça intéressant. Ça montre bien qu'il était quand même dans une période d'éveil, de réflexion à toutes ces questions. Et oui, bah, 98, c'est pas longtemps après qu'il ait écrit Jesse et Dolores Claiborne. Et bah, du coup, le concept de Jesse, c'est très très clairement proche de l'anecdote qu'il raconte ici. Et c'est pareil pour Dolores Claremont, un roman que je n'ai pas lu, mais je sais que c'est une femme, au final, qui se défend des violences de son mari. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Même si, au final, ce qu'elle fait n'est pas non plus très tendre, on peut comprendre le début de folie naissant. Ouais, alors dans Dolores Claiborne, on verra quand on en parlera, mais vu le stade où en est arrivé le mari, pour le coup, sa réaction est plus que compréhensible. Oui. Ça va assez loin, Dolores Claiborne. Mais donc oui, c'est une question qui est revenue chez King par la suite, dans Rose Madder et Sleeping Beauties principalement, mais qui est restée importante, on va dire, dans son œuvre. Mais quoi qu'il en soit, oui, on voit que c'est un auteur qui n'a de cesse d'évoluer sur ces sujets-là, hein. Mm. Sur les sujets sociétaux, et il suffit de se remémorer ce qui était Carrie, et au final, un roman qui sexualisait pas mal l'adolescence, chose qui serait aujourd'hui totalement impensable dans un roman actuel de King. Oui, ouais, c'est ça. Alors bien sûr, ça comment dire, ça ne retire pas toutes les qualités de Carrie, hein, entendons-nous bien. Hein. Oui, il faut remettre le contexte. On sent bien le décalage d'époque, justement. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il faut remettre le roman dans son contexte de l'époque. Hein. Et donc, c'est tout ce que j'ai sur Sacdos, et on va pouvoir passer à notre avis sur le roman. Je t'écoute. Alors Sacdos, tu as spoilé mon avis en tout début de podcast. C'est un roman, moi, que j'aime beaucoup. C'est un roman que j'avais lu une première fois en étant jeune ado. Il me semble que c'était pareil pour toi. Oui. Et du coup, je pense que j'ai vécu la même chose que toi. Il faudrait constater que le roman gagne en force quand on le lit en étant adulte. Parce que il y a des sujets qui nous échappaient peut-être un peu plus à la lecture plus jeune, qui aujourd'hui nous saute un peu plus aux yeux en étant adulte, notamment tout ce qui est sujet, alors pas le racisme, parce que le racisme était quand même là, mais tout ce qui est sujet forcément sur la sexualité, la violence faite aux femmes, c'est des sujets qui, d'autant plus à notre époque, nous sautent encore plus à la gueule que, oui. que lors de notre première lecture. C'est vraiment un très très bon roman, c'est très très bien écrit, c'est peut-être le roman de King où il y a le plus d'exposition, on en a parlé en off. Parce que le roman démarre à partir de la 200e page environ. Oui, c'est ça. Pour le format poche. Alors le début du roman, c'est vraiment un étalage de sentiments. Parce que le personnage nous raconte ce qu'il vit pendant son deuil, parce qu'il vient juste de perdre sa femme. Ça aussi, c'est un passage encore plus fort avec ma seconde relecture, parce que forcément, quand tu grandis, le deuil, c'est quelque chose que tu as vécu, que tu n'as peut-être pas forcément vécu en étant adolescent et jeune ado, et que... Aux âges où on a aujourd'hui, on est beaucoup plus sujet à l'avoir vécu. Et c'est des pages criantes de vérité. On sent que King sait de quoi il parle quand il évoque le deuil et la perte qu'on peut ressentir face à ça. C'est un roman très intéressant en ce qui concerne son développement de personnages, parce que tous les personnages au début sont vraiment des coquilles vides avec uniquement des sentiments, pour ensuite être amenés à avoir de vrais développements qu'on va apprécier forcément chez beaucoup de personnages, qu'on va détester chez certains forcément, notamment le fameux Sacdos du titre. Oui. J'ai oublié son nom, mais c'est la majordome du grand antagoniste, oui, du roman, qui lui aussi est un beau petit salopard, ouais, pour garder des mots corrects. La formule Sacdos peut désigner plusieurs personnages, pour ceux ça désigne aussi Sarah, du coup, vu que... littéralement dans un sac d'os. Ouais, mais ce personnage-là, c'est la première fois que le personnage utilise cette expression pour la désigner elle. Ouais, ouais, effectivement, mais elle est réutilisée à la fin aussi, pour Sarah, justement. C'est ça qui est intéressant, ouais, aussi. C'est qu'il y a une double lecture sur... que du coup, on passe d'une expression qui au début est montrée comme péjorative, comme autre chose à la fin. C'est top, parce que c'est un roman qui parle d'énormément de choses. C'est-à-dire que c'est un roman qui parle de romance, qui parle de drame, qui met des éléments de thriller, qui met des éléments fantastiques, et en fait qui amène tout ça au fur et à mesure. C'est-à-dire, c'est pas, tu commences pas le roman avec « c'est un roman de tel genre ». Tu lis le roman, tu sais pas trop vers quoi tu te diriges, et en fait tous ces genres-là ne vont faire que grandir au fur et à mesure de la lecture. Je comprends pourquoi les gens à l'époque disaient que c'était le véritable vrai premier roman entre guillemets « classique », littéraire, de King, parce que clairement c'est ce que tu peux ressentir à la lecture de Sacdos. Et je vais te laisser un petit peu en parler aussi. Ouais. Pareil, il m'a encore plus marqué à la relecture. J'ai été marqué par le fait que c'est un roman à plein de niveaux qui est quand même très brutal, Bon, déjà, dans certaines scènes, on va probablement en reparler, mais même au niveau, justement, de son personnage principal, de ses émotions, vu que ça le prend à fleur de peau, dans un deuil qu'il n'arrive pas à faire, il est régulièrement très énervé, il est régulièrement assez violent lui-même dans ses pensées, et je trouve ça assez intéressant de nous amener comme ça, justement, dans la tête de son personnage, qui est quelqu'un de bien, mais qui est quelqu'un de bien qui est clairement pas en forme. Et voilà. Et je trouve que c'est un de ceux où ça va le plus loin à ce niveau-là. Effectivement, c'est un roman où on met très longtemps à savoir dans quelle direction exactement est-ce qu'il veut aller, parce que justement, autour de des esprits dans la maison, il entretient aussi beaucoup de mystère. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils sont négatifs? Et on se rend vite compte que c'est plus compliqué que ça. Sarah, finalement, elle est amenée très tôt dans l'intrigue, elle est mentionnée très tôt pour les premières fois, mais on comprend son importance, on comprend que quelque chose a mal tourné relativement tard. Et je trouve qu'il traite aussi très bien aussi de cette espèce de petit bled où tout le monde se protège, où ils se protègent tous entre eux. Tout le monde se connaît. Ouais. Tout le monde se connaît, les ragots. Ça met très vite un côté assez malsain. Les ragots vont très très vite. Intéressant, ouais. Il y a ça, et puis cette connexion en fait qu'il y a entre tous ces personnages. C'est-à-dire que la ville en elle-même est un personnage, au final. C'est-à-dire que le gloubi-boulga de personnages que forme la ville est un personnage en lui-même. Ouais. C'est ça aussi. Et c'est même développé tout au long du roman, parce que le personnage principal, donc Mike, pour le citer, Mike Noonan, crée une véritable relation, une véritable connexion avec l'âme de la ville et du passé de la ville. Via des flashbacks ou via des ressentis, parce qu'il arrive à communiquer un petit peu ou à ressentir les esprits. Et c'est quelque chose que d'autres personnages insinue tout au long du roman, que dans cette région il y a une connexion avec l'au-delà qui peut se faire, qui peut se ressentir. C'est quelque chose que les habitants du coin n'ignorent pas. Oui, c'est un truc aussi assez présent chez King, du fait que tout le monde sache qu'il y a un problème dans un coin, mais que personne n'y fasse rien. C'est aussi très présent dans ça, d'ailleurs. Oui, que personne n'y fasse rien, ou que personne... Et encore, dans ça, c'est même différent, parce que l'emprise de ça fait que les gens sont conscients, mais que l'emprise de ça fait qu'ils peuvent pas en parler. Ouais. Donc c'est même encore totalement différent, alors que là, c'est, ils en ont conscience, mais advienne que pourra. Oui, et puis ils restent entre eux, c'est aussi... ils aiment pas les étrangers. Oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup ça, quand même. Ça, on l'a bien compris avec, avec le grand antagoniste problématique de l'histoire. Voilà. Un bon redneck fasciste. Ah oui, ça. Bah, après, il y en a pas mal qui... Il y a le flic aussi, de nouveau un flic négatif chez King, c'est vraiment très récurrent ça aussi. Toutes les figures d'autorité en fait de la ville. Ouais, et puis plus le roman passe, plus tout le monde dans la ville devient assez antipathique en fait. Oui. Même ceux qui sont sympathiques dans un premier temps, on se rend compte qu'il y a des trucs vraiment pas nets. Ça se voit bien avec Mike justement autour de son... du gardien de sa maison, Bill, c'est ça ? Oui. Qui au début ils sont plutôt potes. Et puis il y a un point de rupture, c'est quand Bill, en parlant de Sarah et de son groupe de musique, va lâcher un terme qu'il ne faut pas utiliser pour parler des Afro-Américains. Du coup, il y a ce moment de rupture où Mike se rend compte, ah merde, à ce niveau-là, il a quand même des très très gros problèmes comme tous les autres en fait. Il y a le N-World qui est lâché. C'est ça. Mais donc du coup, ça, je trouve ça intéressant, cette ville qui devient de plus en plus empoisonnée au fur et à mesure. Il y a l'image des poteaux télégraphiques qui est utilisée dans le roman, des lignes télégraphiques, et que je trouve assez bonne. On dirait vraiment qu'il y a une espèce de toile qui couvre la ville et qui emprisonne tout le monde. C'est vrai que c'est une ville qui semble, au niveau de son intellect, on va dire, coincée dans le passé. En fait, à l'image de l'antagoniste qui est l'homme le plus riche de la ville et qui, au final, détient tous les pouvoirs. Déjà, en fait, c'est dur de dire, parce que finalement, il y a deux antagonistes, parce que Sarah, c'est dur... Elle est antagoniste, fait. Elle est devenue antagoniste. Mais elle l'est devenue par la force des choses. Oui, c'est ça. Voilà. Mais du coup, il y a deux antagonistes dans le roman qui sont eux-mêmes adversaires, donc ça fait une situation... Le héros est vraiment pris au milieu d'une lutte où, de toute façon, par les deux antagonistes, il s'en prend plein la gueule. Donc. Il est pris entre deux feux, et vers la fin du roman, il va être amené à comprendre pourquoi il est lié. À tout ça, et pourquoi il est pris entre deux feux. Parce qu'il y a un lien qui l'unit avec fatalement les deux antagonistes. Parce qu'il y a un lien de parenté. Ouais, c'est ça, il fait partie de loin de la ville. Tout ce qui, bah, ce qui était introduit dès le début avec la proximité des noms, d'ailleurs. Oui. Parce que, en fait, il y a l'idée. Donc, il y a un petit enfant qui est. Pour résumer, la malédiction de la ville. Il y avait un groupe de musique dirigé donc, par Sarah Laws, qui était un groupe d'afro-américains. Et un jour, bah, à cause du racisme de la ville, ou du moins d'une partie de la ville, Sarah s'est faite violer et assassiner. Son fils, qui deviendra une fille dans le film, s'est fait noyer parce qu'il était là en tant que témoin, et personne dans la ville, tout le monde savait exactement qui avait fait ça, mais personne n'a voulu protéger des étrangers au final, n'a voulu les aider. Et donc, la malédiction de la ville, c'est que Sarah est plus ou moins l'enfant aussi, même si la place exacte de l'enfant est plus, ambiguë. Plus ambiguë. Veut se venger, et notamment, elle influe sur l'esprit des descendants de ses agresseurs pour les pousser à tuer, en les noyant, leurs propres enfants, et à leur donner un nom qui ressemble à celui de son fils aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de noms qui se ressemblent dans la ville. Ouais, à noyer leur fils, du coup. Ouais. Enfin, leur fils ou leur fille. Et donc, on sait que si Mike avait eu un enfant avec sa femme, le nom qu'il prévoyait, c'était Kia. Ouais. Là, la petite qu'il va protéger pendant tout le livre, c'est Kira. Donc, c'est très présent comme thème. Et ça explique pourquoi la femme s'est intéressée à tout ça. D'ailleurs, très intéressante aussi l'enquête de Mike sur sa femme, parce que il enquête à la fois sur ce qu'elle voulait savoir, mais il enquête aussi sur elle. Au final, il y a beaucoup de méfiance envers elle, envers ses derniers mois. Au début, il apprend que sa femme se rendait à Sarah Lotte sans lui. Ouais. Et donc, lui a des doutes, mais en fait, il a les doutes que n'importe quel homme, enfin, pas forcément homme, que n'importe quelle personne en couple pourrait avoir avec son ou sa conjointe qui se rend à sa résidence secondaire sans en avertir. Son ou sa conjointe, c'est-à-dire tu peux penser que y a tromperie ou voilà, il y a des cachotteries. En fait, au début, c'est de ça que Mike a peur, du coup, et au fur et à mesure, il va comprendre que comment elle s'appelle déjà sa compagne, j'ai oublié. Joanne. Que Joanne, Joe, du coup, il l'appelle dans tout au long du roman, il va comprendre que elle avait appris l'existence de la malédiction et que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle lui avait caché sa grossesse. Ouais. Au début, c'est pour ça qu'elle lui avait caché sa grossesse, que du coup, c'est pour ça qu'elle enquêtait sur les événements. Et que même la maison, en fait, c'est Mike qui était tombé amoureux de la maison pour le réattirer vers le même. J'aime bien la réalisation, le moment où il se rend compte, parce que pendant longtemps, il sait qu'elle était avec un homme à un moment à Sarah Laws, et quand il se rend compte qu'en fait, c'était juste le frère de sa femme, donc son beau-frère. Oui. Ce moment, je le trouve assez... ça montre bien... qui se sent un peu con, mais qu'en même temps, les doutes, il n'a pas pu s'empêcher de les avoir. C'est bien écrit, ce moment-là. Parce que c'est humain, au final, avoir ce genre de doutes. Mais oui, sa réaction rigolote. C'est genre... En fait, il a la réaction, je pense, de n'importe quelle personne qui a des doutes comme ça, et qui se rend compte, en fait, c'est complètement con d'avoir ce genre de doute. Si t'as confiance envers la personne avec qui t'es, t'as aucun doute à avoir, de base. Mais ça reste des doutes humains, simplement. Et en fait, c'est pour ça que c'est un roman que déjà à l'époque j'aimais beaucoup et que j'aime encore plus aujourd'hui. C'est parce que on nous dépeint une grande peinture de personnages vraiment humains, tous autant qu'ils sont. C'est-à-dire que même le pire enfoiré perdu dans le fin fond de sa campagne, facho comme pas deux, il est humain en fait. Parce que être fasciste, c'est complètement con, mais c'est humain. Ça vient du fait que t'as peur de l'étranger. C'est des sentiments qui sont explicables. Mais c'est juste que c'est stupide. Mais ça peut quand même s'expliquer par des sentiments humains. Mais oui, on est d'accord que c'est complètement con. Ah sociologiquement, ça a été expliqué de toute façon. Hein. Sociologiquement, c'est expliqué. De toute façon, il faut bien que ça sorte de quelque part. Oui, parce que c'est. On le sait, la majorité sont des gens qui n'ont jamais croisé d'étrangers de leur vie. C'est tout simplement c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur la plus primaire qui soit. Je crois que sociologiquement, il y a d'autres trucs aussi. Oui. Je ne suis pas un expert, mais... Oui, il doit y avoir d'autres choses. Mais je pense quand même que c'est cette peur-là qui est une prédominance chez tout le monde. C'est possible. C'est comme te rendre dans un lieu que tu ne connais pas en pleine nuit. Tu auras beaucoup plus peur que si tu y vas en plein jour. Oui, bah oui, ça forcément, oui. C'est parce que il fait nuit, tu vois rien, et donc c'est la peur de l'inconnu qui prend encore plus le pas sur tout ce qui t'entoure. Et après, tout ce qui s'ajoute, le traitement des clichés et tout, ça voilà. Crée toute une ambiance aussi. En plus. Ce qui est autour de l'écriture est intéressant aussi, parce que du coup, bah, une fois arrivé là-bas, il arrive à réécrire. Et bah, c'est aussi un lieu de combat, en fait. C'est-à-dire les deux esprits, celui de sa femme et celui de Sarah, le poussent à réécrire, mais il y en a un qui le fait pour... Enfin, Sarah le fait pour le droguer, pour pas qu'il se mêle de ce qu'il regarde pas, en gros. Tandis que sa femme, en fait, essaie de lui faire passer des messages via ce qu'il écrit. Et je trouve ça intéressant de traiter l'écriture ici bah, vraiment comme une drogue et un moyen de communication des autres avec lui. C'est pas mal abordé le fait que quand il écrit, il est comme drogué, il n'arrive plus à se concentrer sur rien d'autre. Ouais, il va pas le temps qui passe, quoi, simplement. Ouais. Et ça, même au tout début du roman, il le dit. Hein. Oui. C'est des, même... Il y a des moments où il dit que oui, ça serait pas étonnant que ce que Joe lui ait dit, qu'elle allait se rendre à oui, Sarah, voilà, c'est que ça. Lui, pris dans l'écriture, on n'en ait plus aucun souvenir. Mmh. Donc lui-même, en fait, se trouve des excuses au fait qu'il n'est pas au courant de ce que faisait sa femme. Kira et Mati, je les trouve vraiment attachantes. C'est des personnages très, ouais. Vraiment adorables. Très bien écrit comme perso de petite fille, je trouve, oui. Kira. C'est pas si fréquent que ça. Oh, chez King encore, ça va. Oui, King, il le gère bien, mais c'est difficile d'écrire les personnages oui, d'enfants. Oui. Mais chez... Et là, je trouve que ça passe bien. Chez King encore, ça va, mais oui, au global, on est d'accord. Non, mais disons, il n'y a aucun personnage qui est foncièrement mal écrit. Hein. Oui. Ils sont tous plutôt maîtrisés... La scène justement de la mort de Mati bah, est très brutale, elle arrive vraiment d'un coup. Ah, surtout elle est très très violente. Surtout qu'elle est vraiment apocalyptique. Oui. C'est-à-dire que tout va bien, c'est une scène de victoire. Parce que du coup, l'antagoniste est mort. Ouais. Il n'est plus là, enfin l'un des antagonistes en tout cas est mort, n'est plus là. Celui qui faisait peser une menace directe sur Mati et sur Kira a disparu. C'est une scène de liesse, tout le monde est content, il fait beau, barbecue, et tout d'un coup il y a une voiture qui déboule et qui se met à canarder tout le monde. Et bah, le fait qu'il y ait plusieurs personnages, parce que ça aussi on l'abordera quand on parlera du film. Dans le roman il y a beaucoup de personnages dans cette scène-là, c'est des personnages auxquels on s'est attaché. Oui. Et du coup bah, tu sais pas trop qui est touché, qui va potentiellement y passer, et donc il y a une réelle panique, toi en tant que lecteur, à la lecture de ce passage-là. C'est vrai que c'est aussi fort parce que les autres personnages sortis de Mati et Kira, il y a l'avocat, il y a le détective, ouais. Et il y a un autre avocat un peu plus secondaire. Bon, l'avocat principal, on l'a un peu plus vu, le jeune, mais les autres très peu, et pourtant ils sont assez vite sympathiques. Ah, oui. Ne serait-ce que parce qu'on sait qu'ils ont participé à une bonne action. À un bon combat, puis ils sont drôles, enfin voilà, on retrouve la force de King de vraiment réussir à dessiner des personnages très très rapidement. Et ce sont des personnages qui ne viennent pas de Sarah Loss, qui viennent de l'extérieur. Ouais. Que Mike a fait venir de l'extérieur. Ils sont pas corrompus, en fait, ils sont ni corrompus par la malédiction de Sarah, ni corrompus ouais. Par... à chaque fois j'oublie son nom, au grand méchant. Max Devor. Hein. Voilà, Max Devor. Ils n'ont rien, enfin ils ne sont ni salis par l'un ni salis par l'autre. Devor qui, oui, bah, qui est celui qui achète tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Oui. Bah, qui pousse le vice carrément à. Quand il sent qu'il n'aura pas la gamine, il va quand même jusqu'à se suicider pour ensuite créer une réaction en chaîne. Ouais, uniquement c'est pour pourrir la vie jusqu'à la fin. Oui, il est vraiment diabolique jusqu'au bout. Oui, hein. quand t'en es au point à carrément te tuer pour que ça crée ouais. Quelque chose pour pourrir les autres, c'est que vraiment t'es une crevure, quoi. T'es pas pire que toi. Mais oui, cette scène-là est apocalyptique au possible. Et il y a tout dans la scène. Il y a la peur de voir des personnages y passer. Mati y passe. Ouais. Spoiler alerte. Mati y passe. Et il y a ce passage justement très touchant avec la gamine qui du coup panique, se met à paniquer parce que sa mère est en train oui. Est morte. Elle l'a pas vu mourir mais elle l'a senti mourir parce qu'elle aussi elle a une espèce de connexion avec Mike et que quand Mike ressent des émotions, elle le ressent et vice versa en fait. Quand Kira ressent des émotions, Mike les ressent aussi. Et donc en fait c'est les émotions de Mike qui ont alerté la gamine de ce qui se passe. Et du coup tu as t'as cette dimension contradictoire où rien ne va, mais où Mike essaye de faire en sorte d'envoyer le moins d'émotions négatives pour que la petite soit pas paniquée. Oui, tandis qu'il y a les autres qui essaient, qu'il est en train de chercher quelque chose pour immobiliser le flic, parce que c'est... Enfin, ils étaient deux dans la voiture, il y en a un, de toute façon, c'est bon, il est immobilisé. Oui, parce que la voiture est en feu, ça, lui, c'est, voilà. Et le flic, lui, est encore en capacité de bouger, donc il est obligé de gérer tout ça à la fois. Mais oui, c'est un moment très très fort et très marquant. C'est un moment très poignant. Mmh. Puis après, c'est le début du final, qui est globalement très apocalyptique. Hein. Oui, oui, c'est... Bah, c'est une tempête qui arrive. Ouais. Comme souvent, en fait, avec King, il y a une tempête qui arrive. Ouais. Quand il y a des événements qu'il aime bien qui les arrivent. Tempêtes. Il aime beaucoup ça, les tempêtes. Même si des petits vieux nous disent qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas la tempête du siècle, les petits gars. J'aime bien ce petit passage, n'importe quoi. Et puis, y a tout qui commence à se rejoindre sur la fin, tous les trucs qu'on ne comprenait pas. C'est cette histoire de hibou dont on ne savait pas d'où elle venait aussi. C'est là où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. C'est là où on a la scène du viol. Ouais. Qui est très très dur à lire. Hein, qui est vraiment très très cru. Hein. Pour le coup, là, il choisit d'y aller de manière très frontale, dans tout le côté horrible que ça. Ah ouais, vraiment. Et Le film l'a amoindri, pas plus mal, parce que pour le coup, on en reparlera, le film en fait une séquence de viol, alors que là c'est un viol collectif, quoi. C'est vraiment, c'est très très dur. Hein. On a prévenu au début du podcast. Je pense que c'est vraiment une des scènes les plus violentes dans Love, Death, and Robots. Ouais, en termes d'horreur à échelle humaine. Ouais. Oui, clairement. Et puis, il y a tout qui se rejoint. Le traitement du rêve à travers tout le livre est intéressant aussi, parce qu'il y a pas mal de... Enfin, il fait beaucoup de rêves, Mike, qui sont globalement des tentatives de communiquer, mais encore une fois, un peu des deux esprits, donc il y a tout qui se confronte, en fait. Même de trois esprits, parce que sur la fin, il y a Devor aussi qui communique avec lui. Oui, aussi. Mais on peut même de quatre, parce que j'ai l'impression que Sarah et son fils communiquent un peu avec lui dans les rêves, donc... Donc ça donne un gros bazar qui fait vraiment scène de rêve, en fait. Elles sont illogiques, on ne sait pas d'où elles sortent. Elles sont plein d'éléments qui vont resservir par la suite, mais qu'on ne peut pas comprendre parce qu'ils sont dans un côté symbolique incompréhensible au moment où ils surgissent. Cette scène de cauchemar où, en fait, c'est Kira qui fait un cauchemar et le cauchemar est transposé dans les rêves de Mike quand elle se fait poursuivre dans la foire là. Ah oui, à la foire, ouais. Quand elle se fait poursuivre par les hommes de Devor qui essayent de la choper, il me semble, parce que le passage est vraiment écrit de manière à te faire comprendre que t'es dans un cauchemar éveillé, donc c'est... Ouais. Mais il me semble que c'est Kira qui rêve et que son rêve est transposé dans l'esprit de Mike, il me semble que c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Enfin, on peut supposer que c'est dans ce sens-là, ou alors que c'est les deux vraiment en même temps. Mais donc, t'as cette séquence-là, et puis t'as pas mal de choses très intéressantes niveau imagerie. Imagerie fantastique, même fantasmagorique, typiquement à la fin, pendant la tempête, quand t'as la regrettée mère de Kira, qui réapparaît en silhouette sous la pluie. Pour le coup, l'effet est pas trop dégueulasse dans le téléfilm. Oui, et puis l'image est jolie, effectivement. C'est très... Où tu vois cette petite fille, du coup, qui voit sa mère, mais seulement en silhouette, en fait. Comment dire ? Pour donner un exemple, comme si c'était une femme invisible, et que du coup, on voyait sa silhouette recouverte de pluie, donc avec la pluie qui dégouline. C'est un peu ça, c'est ça. Pour donner une imagerie de quoi ça ressemble. Mais donc, t'as cette gamine qui essaye... d'aller dans les bras de sa mère, mais qui peut pas, parce que c'est juste de l'eau, c'est juste de l'eau qui coule, malheureusement. La scène est à la fois jolie et triste, du coup, parce que c'est Kira qui est confrontée à la mort, et tu te dis que cette gamine va grandir très très vite, quand même. Ah bah là, oui, jusqu'à ce qu'elle a vécu, tu dis, ah oui, à 8 ans, c'est bon, elle est dosée, hein, c'est bon. D'autant plus que dans ses rêves, elle a vu des trucs clairement pas cool. C'est bon, elle est prête à signer un CDI et à rentrer dans le monde du travail. Non, peut-être pas. Pauvre gamine. Et puis t'as toute cette conclusion, parce que c'est là la force de King souvent, c'est même quand le cauchemar est terminé, et ça continue. Parce que tout va bien, mais maintenant il faut réussir à adopter Kira. Oui. Et ça c'est compliqué. Ça laisse plutôt une lueur d'espoir quand même sur la fin, heureusement. Oui. On se doute qu'il va finir par y arriver. C'est marrant parce que t'as toute une postface du coup de King, qui à la fin t'explique que alors j'ai essayé de me renseigner, apparemment les adoptions dans le Maine c'est compliqué, c'est ce que j'ai voulu faire ressentir à la lecture de l'épilogue. C'est marrant, t'as une vraie volonté en fait de ramener toujours du social. Oui. Et surtout la cruauté du social, parce qu'on voit dans ce passage là que en fait que Kira son seul souhait c'est de vivre avec Mike, qu'elle considère comme son père. C'est la volonté de l'enfant. Mais à côté de ça, tu as son pote avocat qui lui dit bah oui mais je suis d'accord avec toi mais bah, remercie tous les enculés qui violent des enfants quoi, c'est de leur faute. Oui, c'est ça, c'est. Oui. Si tu vois ça d'un œil extérieur, c'est horrible. Forcément la méfiance est légitime. Voilà, c'est ça. C'est quand tu vois ça d'un œil extérieur, c'est horrible parce que bah au final c'est un père qui peut pas avoir la garde de son enfant. Mais quand tu vois toutes les horreurs qui se produisent dans le monde entier tous les jours, c'est logique. Ouais, c'est un quarantenaire célibataire voilà, qui a jamais eu d'enfant. Qui a adopté une gamine de même pas 10 ans. Voilà. Ouais, elle est même plus jeune que ça, elle est vraiment jeune. Ouais, elle a peut-être 6 ans même, peut-être. Ouais. Mais la méfiance est logique en fait. Donc oui. C'est, mais du coup, comment dire ? Parce que quand t'écoutes les gens, à chaque fois t'as plein de. Les gens souvent crachent sur ce système d'adoption qui, oui, a ses faiblesses, mais. Globalement, il est quand même fait pour protéger les enfants. Ouais, après, je crois qu'il marche vraiment pas si bien que ça, au final, pour ce but-là. Donc, il est bien à modifier, je pense. Bah, notamment, toutes les choses débiles autour du fait que si t'es pas un couple hétéro, déjà, l'adoption est bien plus compliquée. Oui, mais là, déjà, en l'occurrence, c'est pas la protection d'enfants. Là, en l'occurrence, on parle vraiment de ceux. Oui, sur ce cas de figure. Voilà, du cas de figure du roman. Mais du coup, j'aime bien. Le fait que King en parle mentionne, oui, les défauts, mais qu'il n'oublie pas de mettre en avant pourquoi ces défauts existent. Ouais. Parce que derrière, y a des connards, qu'il en soit, qui font des mauvaises choses. Et que, il faut quand même protéger quand même les enfants, on est quand même là pour ça, merde. Il y a le fait aussi qu'au final, dans cet épilogue, il se rapproche aussi de son ex-belle-famille. Oui. Et donc, il recrée un peu de liens, alors qu'il est très isolé pendant tout le roman, au final. Alors que pourtant on comprend qu'il s'entendait très bien avec son beau-frère. Ouais. Avec tous ses beaux-frères même. Voilà. Il y en a plusieurs. Il y en a surtout un qu'on voit. On n'en voit qu'un nous, mais on sait qu'il y en a plusieurs. Oui. Mais et en fait, je pense que le titre, on peut aussi le comprendre un peu comme ça. Sagdos, c'est une expression qu'utilise Mike pour parler de ses personnages en disant que jamais un personnage de roman ne sera plus qu'un Sagdos comparé à n'importe quelle personne réelle. Et il y a un peu ça. C'est peut-être qu'il redevient vraiment une personne à part entière au fur et à mesure du roman. Peut-être un peu lui aussi, le sac d'os. Oui. Après son deuil, il était désincarné. Oui, il avait perdu. Il avait tout perdu. Il avait perdu la substantifique moelle de ce qui fait un être humain, quoi. Mais ouais, vraiment un roman réussi, un roman très étrangement construit, parce que comme on le disait, l'intro est très longue. Après, il y a finalement un milieu qui est pas si long que ça, et tout le final, si on prend le final à partir de la fusillade, enfin le jour de l'enterrement de Max en fait, le final prend 200 bonnes pages à lui tout seul en fait. Donc en fait, il est vraiment divisé en trois tiers, ce qui est pas une construction très académique, mais c'est souvent le cas chez King en fait. Et vraiment, il gère très bien, il relie tous les éléments avec ce qu'il faut de mystère, beaucoup d'émotions, effectivement. Et puis la longueur de la construction est primordiale, en fait. Parce que l'attachement envers les personnages ne serait pas la même s'il y en avait moins eu. Tu vois, tout comme la longueur du final est logique aussi quand tu vois tout ce qu'il y a à conclure. Oui. Parce qu'il y en a énormément des arcs et des sous-arcs au final dans ce roman. Vraiment beaucoup, quoi. Mais c'est vraiment un très très bon roman. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs romans King, quoi, clairement. C'est un de ses plus gros romans narrés à la première personne, d'ailleurs. Impossible, oui. Je crois que le seul qui doit entrer en concurrence, je crois que Dumaki est à la première personne. Ouais. Mais c'est sûr que Dumaki est. Je pense qu'à l'époque, ça devait être aussi assez novateur pour lui de faire un aussi gros roman à la première personne, qui entre autant dans la psychologie de son perso. Oui. Même s'il y avait déjà eu Dolores Claiborne un peu avant, mais qui est assez D'un point de vue littéraire, c'est plus difficile. du roman à la première personne. Bah ça permet de beaucoup mieux plonger dans la psychologie de son personnage, mais effectivement ça interdit plein d'autres trucs à côté. Voilà, bah, ça interdit de développer les autres personnages quand ton personnage principal n'est pas là. Oui. Déjà. On sait que c'est un truc que King aime beaucoup faire en temps habituel. Voilà, il y a quelques romans des fois qui... pas que chez King, chez d'autres, hein, qui tordent un petit peu le cou à ça, qui, quand c'est leur personnage principal, font de la première personne, mais qui s'empêchent pas de développer les autres personnages ailleurs, dans d'autres chapitres qui leur sont consacrés, mais c'est pas la majorité, quoi. Donc, voilà, bah, grosse recommandation pour ce livre-là, même si, voilà, il faut être bien accroché et prêt à supporter tous les thèmes. Ouais, il faut être prêt, il faut savoir ce qu'on lit, quoi. Mais pour moi, on est effectivement sur un des meilleurs. Ouais. T'as des choses à ajouter, toi, sur le roman ? On peut dire... Si, on peut dire des petits trucs. On peut dire des petits trucs parce qu'on l'a fait des fois sur d'autres romans. Ouais. Il y a des petits clins d'œil à d'autres romans de King, par oui. moment. C'est-à-dire effectivement. Il y a... Bah, y a j'allais dire Bill LeBeg, mais du coup, c'est pas comme ça qu'il ouais. est mentionné, mais Bill il est Denbrough, mentionné. Effectivement. Il y a William Denbrough qui est mentionné ouais. en tant qu'auteur dans Sagdos. J'avais noté une autre référence. Il y a le héros de la part des ténèbres aussi qui est mentionné. Oui, exact, Stark. Ouais. À un moment, alors c'est peut-être moi qui fais un rapprochement, mais à un moment on parle de l'explosion et de l'incendie dans une Syrie. Et il y a une Syrie qui est en feu dans ça. Oui, je pense que c'est aussi une référence à ça. Hein. Ouais, tu penses que ça sera inclus vu je que pense. Ça se passe dans le Maine, ça se passe ouais. dans la même région en plus. Parce que Derry est pas trop loin, il me semble, parce que Derry est mentionné à un moment. Bah le Maine, c'est pas énorme, hein, de toute façon. Oui, en plus. Enfin, ça l'est un peu plus dans l'univers de King, vu qu'il rajoute des villes. Ouais, ouais, mais bon, c'est... Mais il me semble, il dit que pour se rendre au lac d'Arkscor, il faut passer pas loin de Derry. Ouais. À un moment, il le mentionne. Ouais. Il mentionne alors, Derry. Et la plus grosse référence, mais je pense que celle-là, tu l'as pas vue, parce que c'est un roman que t'as pas lu, mais quand il décide finalement d'aller à Saralos après avoir parlé à un petit vieux, je sais pas si tu te souviens de cette scène. Oui, je me souviens de cette scène. En fait, le petit vieux, c'est le héros de Insomnie. D'accord. Donc, effectivement, un roman que je n'ai pas lu. Et, qui était sorti juste avant, je crois, ou deux romans avant. Ouais. Insomnie, qui est un bon gros pavas, si je me souviens. Ouais. Qui a des longueurs, mais qui est un roman plutôt sympa, quand même, Insomnie. Qui n'a pas été adapté, je crois. Non, je ne crois pas. Pas encore. Pas encore. En même temps, c'est le bordel, Insomnie. Hein, ça fait beaucoup référence à la Tour Sombre, ah ouais. à ça. Faudrait, disons que pour l'adapter, faudrait. C'est un peu comme pour Crapule de bas étage en manteau jaune, faudrait supprimer clairement des références qui ne tiendraient pas la route, je pense. D'accord. Après, il y a un réalisateur qui aime bien faire des mentions de films. Aussi, mais lui, non, de... c'est non, non, non. Ça... Ouais, on parle bien de Rex Claiborne dans l'adaptation de Jesse, alors qu'on oui. sait pas d'où ça sort. Mais bon. Bah, qui est bien dans le roman, mais comme les deux romans de Jesse et de Rex Claiborne étaient sortis en même temps, là c'était pertinent. Hein, voilà. Alors que dans l'adaptation de Jesse de Netflix, bon, tu poses des questions. Il fallait en parler, parce qu'il faut parler tous les jours de ce grand réalisateur moderne. Il y a les frères Duffer, ceux de Stranger Things, qui veulent vraiment adapter le Talisman, apparemment. Ah ouais? Ça me gonfle un peu. Hein. Surtout qu'il le ferait avec Amblin, donc la société de Spielberg. Oh, ça serait bon enfant, du coup. Même si ça veut rien dire, mais... Déjà, vu qu'ils font une série qui est très basée sur la nostalgie années 80, si en plus ils le font avec Spielberg, je pense que ça va vraiment donner une espèce de truc à J.J. Abrams en mode lèche-boule du futur. Tu dis ça comme ça, alors que pourtant J.J. Abrams, bon, ça va, t'es pas réfractaire au style J.J. Abrams. Bah, je suis pas réfractaire quand il va pas trop là-dedans, tu vois. Je trouve que c'est Star Trek, leur qualité, c'est de pas trop aller là-dedans. Et bah, super aussi. Oui, super, mais alors Super 8, je trouve Super 8, que, voilà, mais il a mis le début à ça et il a des gros dés. Enfin, il est intéressant pris comme un film de l'époque, mais il est pas foufou non plus. Quoi. Mais justement, je trouve que Super 8 est un film de nostalgie qui n'appuie pas sur la nostalgie. Ça dépend des moments quand même. Moi je trouve qu'il a vraiment le bon. Mais après, oui, je le trouve divertissant, hein, Super 8 de toute façon. Mais il aurait pas fallu que ça dure plus longtemps, oui. Oui, voilà. Mais ouais, c'est un bon petit film, Super 8. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Voilà, est-ce que tu vois des choses à rajouter ? Non, c'est bon. Très bien, bah alors on va pouvoir passer à l'adaptation. C'est parti. C'est parti. petite ville ici. Personne n'apprécie de voir ses secrets divulgués. Les droits de Sagdos sont achetés par Senet Entertainment et Headline Pictures. Le scénariste choisi dès le départ est Matt Venn et le réalisateur, c'est l'habitué de King, Mick Garris. Donc bon, Garris, on en a déjà parlé pour Quicksilver Highway et Le Fléau. Il en avait depuis encore réalisé d'autres avec The Shining, Un tour sur l'Obélide et Désolation. Et à ce jour, Sagdos, c'est sa dernière adaptation de l'œuvre de King. Et Matt Venn, c'est le scénariste de Fright Night 2 et de Mirrors 2, je savais même pas que ça existait. Et il est le scénariste aussi de Peltz, l'épisode de Dario Argento sur la deuxième saison des Maîtres de l'Horreur. D'accord. Mais sinon, il a rien fait de bien notable. Pour l'équipe de base, sur la production, j'ai pas trouvé grand-chose, en fait, au final, parce que c'est un téléfilm qui est passé assez inaperçu, donc on va tout de suite passer au casting. On a dans le rôle de Mike Pierce Brosnan, donc pour la deuxième fois dans une adaptation de King, il était dans Le Cobaye, oui. Si on le considère comme une adaptation. ce qui est rigolo parce que ça veut dire qu'il a joué chez King dans un truc lié à King avant James Bond et après James Bond. Oui. Voilà. Ah, parce que là on a Pierce Brosnan un peu plus vieillissant quand même. Oui, c'est ça, il est même vieux par rapport au rôle. Oui. Parce que là, il a quoi à ce moment de la cinquantaine. Oui, il a la cinquantaine, c'est ça. Cinquantaine bien tassée, ouais. Matty, elle est jouée par Mélissa George, principalement connue au ciné pour 30 jours de nuit. Ouais. C'est bien, moi j'ai un bon petit film, 30 jours de nuit, je trouve. C'est ça, oui, c'est un bon petit film de vampire. Ouais, clairement, ouais. Les comics sont très très bons aussi. Ah ouais? Ouais, à la base, c'est une série de comics qui est vraiment très très cool. Par contre, le second film est très très nul. D'accord. Elle a joué aussi dans un film de Mikael Astrom qui s'appelle Dérapage, mais que je n'ai pas vu. Dérapage, non, je ne crois pas l'avoir vu. Dans le Amityville de 2005. Ouais, qui dans mes souvenirs n'est pas tip-top. Et dans un film d'horreur appelé Triangle en 2009, dont très, très la bande-annonce me rend curieux. Et très très bien, et qui traite du retour dans le temps. Ouais, je crois que c'est ça. Il me rendait un peu curieux celui-là, je le chopperais si j'en ai l'occasion. Ouais, ça pourrait beaucoup te plaire. C'est une espèce de thriller en huis clos qui se passe entièrement sur un bateau. Ouais. C'est vraiment très très bien. D'accord. Elle avait déjà joué pour Mick Garris dans un pilote de série qui n'a finalement pas été développé, qui s'appelait Lost in Oz, et elle a un rôle récurrent dans la saison 3 d'Alias, apparemment. D'accord. Et depuis peu, elle a le rôle principal d'une série Apple TV appelée The Mosquito Coast. Voilà. Je connais pas du tout. Et ça m'a un peu fait rire parce qu'elle dit que ce qui lui a le plus rapporté au niveau économique, c'est qu'elle a été l'inventrice d'un truc pour régler la longueur des jambes de pantalon. Ah bon ? Ouais. j'ai pas réussi à comprendre le principe, hein, mais bon. Visiblement, c'est ce qui lui rapporte le plus d'argent, donc bon, tant mieux pour elle. D'accord. Sarah Tidwell, elle est jouée par Annika Noni Rose, une actrice et chanteuse avec une carrière assez importante à Broadway. Au cinéma, elle a joué dans Dreamgirls, et c'est elle qui fait la voix de Tiana dans La Princesse et la Grenouille. Et à la télé, elle a eu des rôles récurrents dans The Good Wife, Bates Motel, Power ou The Quad. D'accord. Bon, il n'y a pas grand-chose que j'ai vu dedans, parce que j'aime même La Princesse et la Grenouille, c'est un Disney que j'ai pas vu. Ah, il est bien pourtant. C'est pas le meilleur Disney, mais c'est quand même un Disney très sympathique. Dreamgirls, c'était pas mal aussi dans mes souvenirs. Faut que je le revoie, Dreamgirls. J'en ai un assez mauvais souvenir, mais il faut peut-être que je le revoie maintenant. Ouais, j'avais bien aimé. Et donc, c'est elle qui chante les quelques chansons de Sarah dans le film. Bon, niveau chant, elle se débrouille, quoi. Ah oui, là, bon, en même temps, elle est à Broadway, donc encore heureux. Il n'y a vraiment rien à dire. Ouais. William Shalhurt, qui joue Max Devor, est mort quelques années plus tard. En fait, c'est un de ses relativement derniers rôles. Il avait déjà 90 ans à l'époque du tournage. Ah, 90 ans ? Ouais. Ah, il faisait moins, quand même. Il a juste fait un caméo après dans un truc, mais sinon, c'est son dernier rôle important et vraiment parlant. Il a une très grosse carrière, mais principalement dans des seconds rôles de séries télé, de films de genre, des trucs soit orientés fantastique, SF, western, comme plein d'acteurs de sa génération, en fait. Ouais. On retrouve dans le rôle du frère de Mike, Sid Matfrewer, donc qu'on avait déjà vu dans Le Fléau et Quicksilver Highway, et qu'on reverra dans d'autres Mick Garris et dans Le Cobaye 2. Mmh. J'ai hâte. Ouais, moi aussi, hein. Et on sent que ça va être bien. L'actrice qui joue Kira, c'est Caitlin Carmichael, qui a depuis continué une carrière de façon assez active, même si je ne connais rien de ce qu'elle a fait. En fait, déjà, quand elle a joué Kira, elle était actrice depuis quelques années, donc c'est vraiment une enfant actrice, totalement. Et enfin, Jo, elle est jouée par Annabeth Gies, qui est une actrice qui avait eu un rôle récurrent dans X-Files, le rôle de Monica Reyes. D'accord, effectivement. On la retrouvera dans Désolation, dans un des rôles principaux, et depuis, elle n'a pas eu de chance parce qu'elle a rencontré Mike Flanagan. Ah. Et donc elle est dans Ne t'endors pas, The Haunting of Hill House, Sermon de minuit et La chute de la maison Usher. Voilà, une triste fin de carrière. Haunting of House, c'est très bien, arrête un peu. Ouais, c'est sûr, c'est génial. Mais t'as même pas vu. Non, j'ai pas vu. Je regarde plus jamais de trucs de ce type-là. Je peux aller crever. Le directeur photo, c'est Barry Dunleavy. Tu risques d'être obligé de revoir des trucs de ce type-là. Oui, mais j'essaie de m'aveugler à cette possibilité pour le moment. Laisse-moi rêver. Parce que, bon, à mon avis, il n'en a pas fini avec King. Hein. Ouais. Il peut faire une série en duo avec Mick Garris. C'est un peu le nouveau Franck Darabont, mais sans le talent de Franck Darabont, quoi. Ouais, c'est ça. C'est con, en fait. On a quand même perdu au champ. Le directeur photo, donc, c'est Barry Dunleavy, qui est actif sur beaucoup de séries télé du type Lucifer ou Smallville. Ouais. Et qui fait une photo propre, ici. Oui. Limite, je dirais, un peu trop propre, en fait. Peu trop léché pour... pour transmettre une ambiance qui soit vraiment inquiétante. Et il y a ce truc étrange qu'on avait déjà remarqué dans un autre épisode sur je sais plus quoi, toutes les lumières sont toujours allumées, même de jour, en intérieur. Moi, ça m'a sorti un peu du truc des fois, je me dis éteignez les lampes, voilà, il y a un grand soleil dehors. C'est pas vous qui payez les factures. Ouais. Et la musique est de Nicholas Pike, assez actif comme compositeur et comme assistant compositeur, principalement sur des films et téléfilms de genre et sur des documentaires. On le reverra parce qu'il a travaillé plusieurs fois avec Mick Garris, et il a fait la musique de plusieurs épisodes de Master of Horrors ou de Terror.com, qui est nul à chier. Ah oui, effectivement. Voilà. Je suis bien d'accord. Et là, les musiques sont assez insignifiantes, sorties des chansons de Sarah Tidwell, mais j'arrive pas à savoir si Pike a participé aux chansons. Je crois pas que l'actrice soit composée, mais je sais pas si c'est Pike qui les a faites pour autant. On n'a pas d'infos. Mais les chansons sont sympas, pour le coup. Ah oui, clairement. Le budget est d'entre 15 et 20 millions d'euros pour un tournage qui s'est fait au Canada. La série est diffusée sur la chaîne A&E le 11 décembre 2011 et regardée par 3 millions de spectateurs environ, avec une réception critique très très mitigée. Et la diffusion française se fait en 2015 sur HD1, je ne connais pas du tout cette chaîne. Non plus. Elle a actuellement 2,5 étoiles sur Allociné, ce qui la place 31e à égalité avec Détour Mortel, La Part des Ténèbres et La Tour Sombre. Et 21% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la place 38e entre Le Démon du Maïs 7 et Lucari de 2002. C'est l'heure du rêve, tout ça. Voilà. Et comme c'est tout ce que j'ai à en dire, parce qu'encore une fois, la production en elle-même, j'ai vraiment rien trouvé. Même sur le Blu-ray qui vient de sortir, en fait, il n'y a pas de bonus. On n'a quasi aucune info sur ce truc-là. Donc, à pouvoir passer à nos avis, et je t'écoute. Parlons de votre première rencontre avec Mattie et Kayla Divor sur la voie rapide, voulez-vous? Bien sûr. Kayla Divor était toute seule. Sa mère n'était pas avec elle, exact. C'est maladroitement formulé, mais je suppose que la réponse est oui. Je suis flatté qu'un écrivain aussi renommé corrige mes fautes de grammaire. Est-ce mieux formulé cette fois? Vous auriez pu renverser Kayla Divor car elle s'amusait au beau milieu de la route, est-ce exact? Ce n'est pas mieux formulé, non. Et ma réponse est non, absolument pas. J'ai respecté la limitation de vitesse et j'ai eu tout le temps de voir Kayla. Donc vous savez d'expérience que la plupart des gens respectent les limitations de vitesse sur cette portion de route. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à Dark Score, je ne saurais le dire. Même avec votre expérience limitée, croyez-vous que la plupart des gens respectent les limitations de vitesse sur cette route, monsieur Noonan? La circulation, c'est pas mon fort, désolé. D'accord, monsieur Noonan. Dans ce cas, répondez à cette question. Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas Mikhaïl Adivor en sécurité, ne pensez-vous pas qu'un autre véhicule aurait pu la heurter? Attendez. Je vais vous dire. J'ai laissé ma boule de cristal chez moi. Je n'en sais strictement rien. Je vous rappelle que vous témoignez sous serment, monsieur Nunan. Et moi, je vous rappelle que j'ai répondu à vos questions, bien qu'elles aient été tendancieuses. Et sous serment. C'était long. Parce que ça dure quand même plus de 2h30. Et ça raconte pas grand-chose, au final. Contrairement au roman en lui-même, qui, lui, raconte beaucoup de choses, comme on l'a dit. Ouais. Bah, lui, le téléfilm, il a pris tout ce qui fait le sel du roman, et puis il l'a viré. Et puis il a gardé les trucs qu'on s'en fout un peu, ou les trucs moins marquants, tout du moins. Mm-hmm. C'est très long, le rythme est tout pété. Bah, les acteurs sont pas si bons que ça. Même Pierce Brosnan, il y a plein de moments où il cabotine à donf. Ouais. Il y a des moments où il est en surjeu total. Tu lui demandes, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors que pourtant, Pierce Brosnan, c'est vraiment un bon acteur, quoi. Vraiment, j'ai aucun souci avec lui. Je trouve même que c'était un bon James Bond. Et oui. Le problème, c'est qu'il est arrivé à une période où les scénarios étaient mauvais. C'est surtout ça. Mm-hmm. Lui, il y est pour rien. Si ses films, ils sont pas bons, c'était tout ce qui allait, c'était tout l'autour qui allait pas. Lui, il était très bien dans le rôle. C'est difficile d'en parler parce que y a pas grand-chose en fait. Bah, ça fait très téléfilm du dimanche après-midi en fait. C'est le téléfilm de dimanche après-midi que tu pourrais trouver sur M6. Si ce n'est qu'il y a quelques moments un peu violents graphiquement. Et encore. Ouais. ça creuse rien. Ouais. Il y a rien qui est suffisamment creusé. Surtout pas les relations entre les personnages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les relations entre les personnages sont inexistantes. Mm-hmm. Tu ne comprends pas comment Maddy et Mike peuvent autant s'entendre. Bah, les seules fois où tu les vois ensemble. Ils se croisent que vite fait, donc. Les seules fois où tu les vois ensemble dans le film, c'est lié au micro-accident de Kira qui marche sur la route. Oui. Tous les moments où tu les vois, c'est que ça. C'est autour du petit procès qu'il y a sur ça. Voilà. Tu n'as aucune scène marquante avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le passage où. Le seul moment où elle l'invite chez lui pour bouffer, c'est après la mort de Devory. Mm-hmm. Mais normalement, il y a d'autres trucs. Ouais, pour développer un peu la relation, il aurait fallu. Là, du coup, elle l'invite chez elle, il se roule une galoche, alors que t'as l'impression qu'ils se sont jamais vus avant, quoi. Mm. Tu vois, mais les gars, vous vous êtes vus. En tout et pour tout, vous avez dû vous voir 30 minutes depuis les 15 derniers jours, arrêtez un peu. Ça se passe pas aussi vite, normalement, dans une relation saine et bien construite. D'ailleurs, cette scène n'a aucun sens, je tiens à le dire. Elle n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il a invité à manger, il arrive, et la première chose qu'il fait, c'est il met la gamine au lit. Mais non, mais les enfants aussi, ça mange, normalement. Ouais, mais ça mange peut-être plus tôt, je sais pas. T'as pas tilté sur ce passage? Si. Genre, il arrive et il faut mettre la gamine au lit, mais les enfants, ça se nourrit aussi, c'est comme nous. Ouais, peut-être que la mère la nourrit plus tôt pour s'en débarrasser. Ah, s'en voyant en l'air avec... Voilà, c'est ça. Bah, malheureusement, c'est elle qui va se retrouver avec une balle dans la tête directement après. Non mais, comme tu dis, il n'y a rien qui est construit. Puis on sent pour le coup, le manque de budget des fois se ressent justement dans cette scène-là. La fusillade fait vraiment miséreuse en fait. Ah, c'est un coup de fusil, quoi. Tiré, ouais. C'est tout. Et il y a plein de moments où on se dit, ouais, il n'y avait pas l'argent. Du coup, ça n'a aucune ampleur. Et la réalisation de Mikhaïl Adivor n'arrive pas à compenser ça. C'est la scène aussi... où il se fait agresser par Max et par son assistante. Elle est ridicule, cette scène. Ouais, elle lance... Parce que normalement, en fait, l'assistante lance des cailloux sur Mike et s'est dit qu'elle a été athlète par le passé, donc c'est un sniper avec ses cailloux. Là, c'est vraiment ridicule. Elle est sur son bout de falaise, là. Ouais, c'est ça. À la limite, t'as peur qu'elle tombe dans l'eau, en fait. Et puis en plus, c'est ridicule parce qu'ils sont en bord de falaise, mais c'est rocheux. Ouais. Et juste avant, tu vois Devory arriver en fauteuil, mais il roule tout seul. Tu dis, mais tu peux pas rouler tout seul avec ton fauteuil à moteur sur ça. C'est pas possible. Sur un sol comme ça, ce n'est pas possible, tu peux pas. Enfin, c'est toutes les scènes qui sont censées avoir de l'ampleur ne fonctionnent pas. Et ça tombe à l'eau. À cause de ça. Et puis il y a plein de jumpscares dans tout le film. Ouais. Des jumpscares, mais dégueulasses, qui n'ont aucun sens, encore une fois. les moments où Mike va prendre son bain et puis ah, t'as un cadavre d'enfant là qui sort du bain. Ah ouais, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas signé pour ça, moi. Le syndrome de la page blanche, bah, on le voit pas assez en fait. Galérer pour écrire pour qu'on ressente quelque chose quand il y arrive. Au bout de 30 minutes, c'est arrivé. Ouais. C'est, en fait, il va à la fois ça traîne, c'est interminable, et à la fois j'ai l'impression que tout va trop vite. Oui. Que rien n'a le temps de s'installer. Bah, encore une fois, oui, le procès, finalement, tout ce qui est lié à Kira, c'est réglé super vite. Parce que tu as la scène de la confrontation chez le responsable de la garde. Et après, t'as rien d'autre avant le suicide de Max. Oui, et puis t'as même pas l'avocat, ouais. T'as même pas le détective. Mm-hmm. Tous ces personnages-là sont inexistants, ils sont pas là. Du coup, le suicide de Max, bah, tu comprends pas trop pourquoi il fait ça. Tu comprends pas pourquoi il se suicide, ouais. Vraiment. Tu fais, bah, pourquoi ça c'est bah, rien. La mort de sa femme au début est changée, bon. Oui. Si tu veux, à la rigueur. Voilà, roman, ça, à la limite. Voilà, le roman, c'est elle meurt, qui est sur place, donc pourquoi pas. Dans le roman, elle meurt d'un anévrisme, alors que là, elle se fait renverser par un bus, mais en même temps, elle regarde ni à gauche ni à droite quand elle traverse. Donc, oui. Au bout d'un moment. Après, du coup, ce qui enlève un peu la dimension que sa mort aurait pu être gérée à distance par Sarah, alors que ça sous-entend très clairement ça. Dans le roman, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Hein. Ouais. Donc, ça enlève cette dimension-là. Bah, c'est comme je te disais en off, ça vend aussi un truc trop important dès le générique, parce qu'on voit directement alors c'est une fille dans le téléfilm qu'a Sarah, et on voit directement une gamine noire se faire noyer, donc dès les premières secondes du générique. Bah, du coup, ça vend direct une histoire de malédiction, et ça vend très vite la question du racisme aussi, alors que normalement c'est censé être découvert petit à petit dans le livre. Révélé même totalement à la fin. Ouais. Donc là, je sais pas, je comprends pas. C'est comme si dans le générique de Usual Suspects, t'avais marqué avec Kevin Spacey dans le rôle de... Enfin non, c'est pas Kevin Spacey. Kevin Spacey dans le rôle de Kaiser Soze. Les gars, faites un effort, quoi. Non, mais déjà, pourquoi mettre un générique sur un truc qui dure 2 épisodes, tu t'en fous. Ou dans le générique, ou sur l'affiche de Seven. Spoiler, le tueur est le même que dans Usual Suspects. Spoiler, sa femme, le déménagement de sa femme a mal tourné. Sa femme s'est emmêlé les pinceaux dans les cartons. Non mais voilà, c'est gérer un peu le suspense. Ah, il aurait fallu, je pense, un épisode de plus. Les enjeux sont pour avoir le temps de mettre plus de choses et d'avoir quelque chose de plus rythmé et de plus intéressant. Les enjeux sont inexistants et je pense que le téléfilm a dû être fait dans une optique d'être tout public. Aussi, ah bah, je pense. Clairement, oui. Clairement, ça joue sur l'ambiance, ça joue sur le message qu'il peut y avoir derrière, ça joue sur tout. Mais même sur le thème du deuil, il est pas très bien traité, alors que ça peut être fait de manière publique, sans souci. Parce que là, t'as l'impression que le deuil, ça n'amène que le syndrome de la page blanche. Ouais. Alors que finalement, ça, c'est comme si lui-même était mort, en fait, dans le roman. Oui, c'est ça. Ça le touche plus qu'un simple syndrome de la page blanche, quoi. Mm-hmm. Il y a vraiment pas grand chose dans ce film qui est vraiment. Enfin, dans ces deux téléfilms qui est beaucoup trop long. Ça dure 2h30. Ça aurait pu tenir sur un seul téléfilm de 1h30, ce que le film nous raconte. C'est ça le problème. Ouais. C'est quand même un gros problème, quoi. Ah, et puis dans le téléfilm, ils ont gardé aussi dans le téléfilm en plus un truc autour des mots croisés, je crois. Ouais, mais vite fait. Hein. C'est ouais. Vite fait, okay. Mais justement, ça aussi, ça pose problème parce que dans le livre, ça insiste pas mal sur le fait qu'un des trucs qu'il a trouvé pour se vider la tête, c'est de faire des mots croisés et donc il en a partout. Donc quand ça revient, on se dit oui, c'est logique, il en a partout, ça peut être logique. Dans le téléfilm, pour le coup, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Parce qu'il voit les magnettes sur le frigo, et tout d'un coup il se rappelle « Ah, Sarah et moi on aime bien les mots croisés !» Et hop, il sort une grille de mots croisés. Ouais, tandis que c'était là partout dans le roman, donc on pouvait comprendre le lien. Dans le roman, il revient à Sarah Love, avec dans l'optique de faire des mots croisés sur la terrasse. Oui, c'est ça. C'est le but premier. Il s'est dit plusieurs fois qu'il en a des dizaines qui traînent partout. Voilà, c'est, il dit « Bon bah je vais faire genre, j'y vais pour travailler, mais en fait non, je vais faire des mots croisés, quoi. Mm-hmm. » Bon. Alors que là, oui, ça ressort de nulle part, au final. Finis le travail, papa. De garde entraîne des responsabilités. Maintenant, vous allez m'amener ce dracoleux sur le champ et vous la noirez dans cette eau pour qu'elle retrouve sa place. Non ! Vous ne pouvez pas m'obliger à faire ça ! Fini le travail, papa. Sous deux sacs d'os repose. Je sais. Où es-tu, Joe? Je t'en prie. Sous deux sacs d'os repose. C'est là que tu es, Joe. Tu te caches là depuis tout ce temps. Tu es dans mes écrits. Ouais, ça a voulu tout atténuer. Ça, et puis, je sais pas, ça, l'ambiance, enfin. Ça veut trop faire du thriller fantastique, alors que c'est pas ça, le fond. Ah bah c'est sûr qu'en même temps, vu que ça veut adapter assez rapidement, finalement ça néglige totalement en effet la dimension plus personnelle. Encore une fois, je pense qu'un réalisateur plus doué en 2h30, il a le temps hein, de faire un truc qui gère l'émotion et la dimension thriller fantastique. Il a largement le temps, même en 1h30, un bon réalisateur aura le temps. Mais là, comme il faut tout expliquer, comme tout est très verbeux aussi, le personnage explique un peu tout. Bah forcément, ça gâche du temps. Hein. Bah, les personnages expliquent un peu tout, mais ils expliquent tous un peu tout. Oui. Parce que le passage où il y arrive, t'as au moins 3-4 personnages d'affilée qui lui disent « Eh, faut pas trop fricoter avec elle, hein, attention, elle a des soucis avec le vieux, là. Mm-hmm. » Mais c'est bon, une fois, ça suffit. Pas obligé de nous le répéter 15 fois. Enfin, les scènes qui suivent, c'est insupportable. Ouais. Alors, il y a ce truc assez étrange aussi qu'ils ont pris comme décision, c'est sous-entendu, enfin dans le téléfilm, Mike n'est jamais ou quasiment jamais allé là-bas. Ah oui. Personne le connaît en fait. Oui, ils connaissent que sa femme. Ouais, et donc ça enlève le côté, le côté où les gens sont un peu sympathiques et le deviennent de moins en moins au fur et à mesure, alors que ça pour l'ambiance, c'était plutôt pas mal au final. Oui. Donc c'est un changement. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais je trouve que son seul effet, c'est d'enlever de l'ambiance, en l'occurrence. Et pour le coup, il n'y a aucune raison à avoir retiré cet élément-là. Ouais. Encore, changer la mort de sa femme, faire en sorte que l'enfant de Sarah soit une petite fille ou un petit garçon, ça, on s'en fout. Ça n'a pas d'impact, ça change rien au fond de l'affaire. Ça installe un peu plus peut-être le rapprochement en plus avec Kira. Oui, c'est vrai. C'est pas aussi pour ça. Ça c'est pas faux. Mais oui, comme tu dis par contre, pourquoi avoir retiré cet élément-là qui apportait quelque chose, que ça apportait quelque chose au développement de la ville et des personnages. Ouais. Enfin, et des habitants de la ville. Je crois moyennement aussi au. Vu qu'on parle pas du tout du frère de Joe dans le téléfilm, le mec avec qui elle a été vue, c'est le frère de Mike. Et en soi, sa réaction, là, pour le coup, je trouve qu'il est bien, Brosnan, dans sa réaction quand il se rend compte de ça. Mais par contre, je sais pas, moi. Enfin. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. C'est. Pourquoi est-ce que le frère n'en a jamais parlé, etc. Un peu étrange, ça, je trouve. Comme plein de choses dans. Comme plein de décisions, quoi. Ouais. En même temps. Puis t'as. Je sais pas, c'est. Des fois, t'as l'impression que le personnage, c'est la règle. C'est genre. Règle d'écriture lambda. Le personnage fait un truc que. Tu sais pas pourquoi il le fait vraiment que pour faire avancer l'histoire, quoi. Il y a aucune raison qu'il fasse ça. Genre, à un moment, pendant l'enterrement. Il voit un vieux sur un fauteuil roulant qui pleure la mort de Max. Le vieux repart, il voit que le vieux vient d'un hospice. Il va à l'hospice pour l'interroger. Il se dit peut-être que vu l'âge qu'il a, et vu qu'il était en train de pleurer, c'est une des personnes les plus à même de témoigner. Ouais, je vois pas pourquoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas logique plus que ça, quoi. Alors, ça enlève pas mal en intensité aussi, justement, que tout le viol... Alors, c'est une bonne chose de l'avoir atténué en violence. Ouais. Pour l'adaptation, mais par contre ça change aussi le point de vue en fait, parce que dans le téléfilm du coup on le voit du point de vue d'un des agresseurs un peu en retraite, tandis que dans le roman, on le vit et Sarah force Mike en fait à le vivre à travers son propre point de vue à elle. Et donc ça change l'intensité de la scène. Au final, elle n'a pas vraiment d'impact, alors que oui, c'est quelque chose d'horrible, mais ça marche pas très bien en fait. Mmh. Bah, c'est alors que normalement, ça arrive dans le chaos final, au milieu de plein d'autres trucs. C'est ça. C'est-à-dire que dans le roman, Mike en vient même à pardonner en fait Sarah tout ce qu'elle a fait. Mmh. Parce que il dit mais c'est normal, si tu vis quelque chose comme ça, oui, dans le fond, c'est pas pardonnable de maudire des gens sur des générations, parce que les prochaines générations ils sont pour rien. Mais Mike l'excuse quand même, ouais, dans le roman. Alors que sa réaction dans le film, bon, t'as l'impression limite il prend ça par-dessus la jambe. Bon, bof, c'est mauvais endroit, mauvais moment, quoi. À la limite, c'est ça, quoi. Ouais. C'est absurde, il s'en fout complètement. Bah, jusqu'à oui, la fin, quand il va déterrer les corps et qu'il met le je sais plus ce que c'est produit là-dessus. De la soude, je pense. De la soude pour ôter la malédiction. Et puis là, il dit pardon, tu vois là, c'est tout. Et puis il cabotine encore à mort, donc du coup, t'es pas du tout dans le film. Ouais, il est pas très. Mais en fait, il n'y a rien qui l'implique. Et ça gère pas suffisamment l'implication émotionnelle, ouais, que fait le roman en fait en. Bah en associant beaucoup les trois figures féminines du livre, donc Sarah, Joe et Mattie. Il y a beaucoup de liens qui sont faits entre elles dans le livre, qui sont pas présents dans le téléfilm, donc ils donnent l'impression de plusieurs intrigues, limite séparées en fait. En plus à ce passage-là, il y a un effet visuel dégueulasse avec le visage qui apparaît sur l'arbre là. Ah oui, c'est vrai, oublié, il est dégueulasse celui-là par contre. Ouais. C'est un effet numérique qui immonde, et puis t'as l'arbre qui met des claques. Mac. Alors du coup, ça aide pas à rentrer dedans. C'est mal fait, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Tu vois, je trouvais ça rigolo quand il passe devant l'arbre la première fois, et tu vois l'arbre forme une silhouette féminine. Oui. Et puis tu sais, il s'arrête devant. Oh, salut, jeune dame. Oui. C'est rigolo parce que oui, il fallait le trouver l'arbre qui a une silhouette comme ça. C'est rigolo. Puis après, quand tu vois ce qu'ils en font, tu fais bon. Non. Et les cadavres sont très bien conservé. Rappelons quand même que le meurtre a eu lieu en 1939. Ouais. Quand il déterre les corps, la gamine, elle est encore. C'est un cadavre, quoi. C'est un cadavre frais. Mm-hmm. C'est bon. Ah, ou alors, ça, faut le mettre sur le dos de la malédiction aussi, qui a entretenu les cadavres. Peut-être. Ça fait beaucoup de choses, une bonne malédiction. Mais oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ça fait surtout des mauvaises adaptations. Mais ouais, bah c'est, en fait, c'est une faiblesse récurrente qu'on avait déjà signalée par rapport au fléau, d'ailleurs, c'est que ça s'est pas installé une ambiance et ça sait pas faire les bons choix. Au final, ça adapte. En termes d'intrigue, c'est une adaptation correcte si tu prends juste les événements. C'est ça. C'est juste que bah, un livre, c'est pas que son intrigue et que là. En plus, il y a la difficulté toujours de passer d'un récit à la première personne et où donc t'as forcément énormément de trucs dits très directement au niveau des émotions du perso à un film où ça, tu peux bien moins le faire, où il faut trouver d'autres alternatives. Donc c'est toujours quelque chose qui représente une prise de risque qui doit être réfléchie normalement, alors qui est totalement faisable, hein. On en aurait plein de preuves. Mais il faut un peu plus réfléchir que juste adapter de manière bête et méchante. Bah, voilà, c'est ça. Mais donc voilà. C'est pas bien. Très bien. Non. Voilà. Non, c'est pas bien. C'est marrant, le classement, ça va être l'opposé. Ah oui, là, oui, là, clairement, oui. Toi, tu vois des choses à dire encore sur le téléfilm ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est pas un téléfilm qu'on peut conseiller, quoi. Clairement pas. Autant le roman, oui, vraiment, oui, si on aime King et qu'on n'a pas lu Sackdoss, il faut lire Sackdoss. Autant sur l'adaptation, je vois vraiment pas à qui on pourrait conseiller ça, quoi. Mm-hmm. C'est compliqué. Clairement, qui m'a fait marrer aussi. En fait, je me suis fait la réflexion, ça n'a aucun impact, hein, mais je me suis dit, normalement, il rachète plein d'aimants pour son frigo, plein de magnets, parce que, oui, on l'a pas dit, mais le fantôme communique, entre autres, à travers des magnets sur le frigo, et c'est pareil du côté de Kira. Et donc, normalement, il rachète plein de magnets, là, il a juste un set même pas complet de LED, je me suis dit, ah merde, vous avez même pas le budget pour passer à acheter un set de magnets à 2€, c'était la misère. Il faut espérer que l'esprit soit un peu dyslexique, quoi. C'est ça, ouais, bah, c'est un peu phonétique, hein, ces messages, d'ailleurs. Ah oui. Mais voilà, bon bah c'est pas quelque chose qu'on recommande. Non, clairement pas. Voilà. C'était 2h30 assez compliqué, quoi. Et pourtant, je serais pour un bon réalisateur sur du Sackdoss, sur un film C'est pas une question de durée, je pense que c'est vraiment une question de choix qui sont faits. Ah oui, là, clairement, c'est pas, le problème, c'est pas les 2h30, c'est que c'est 2h30 pour pas grand-chose. Mmh. Voilà. On passe à un extrait ? Eh ben, allons-y. Bag of bones, I'm a bag of bones. Darker days I've never known. Maintenant, pour vous faire un petit extrait de Sac d'Os, on a choisi comme passage la toute première rencontre entre Matty, Kira et Mike. Donc, ils sont sur le la route, tout simplement. L'extrait que je vais vous lire est tiré de l'édition France Loisirs, traduit par William Olivier Desmond. Je suis rendu à la page 115 du chapitre je ne sais combien. C'est le 7, je crois. Du chapitre 7. Ouais. Donc, Mike, c'est la première fois, c'est au moment où il arrive à Sarah-Lotte, ouais. Il me semble. Il arrive, il roule tranquillement, et il croise au milieu de la route, en train de marcher au milieu de la route, une petite fille qui marche on ne sait où. Voilà. Ouais. En maillot de bain dans le film. Parce qu'elle veut aller à la plage. Oui, mais je crois qu'elle est en maillot de bain aussi hein, dans le livre. Ah, je me souviens plus. Dans mon souvenir. Eh ben, on va le savoir tout de suite. Le phare de recul s'alluma et la Jeep partit en marche arrière à au moins 30 à l'heure. La transmission ne paraissait plus furieuse à présent, mais prise de panique. « Je t'en prie, arrête-toi, je t'en prie, tu me tues !» L'arrière du véhicule zigzaguait comme la queue d'un chien content. Je la regardais venir vers moi, hypnotisée. Un coup à gauche de la route, un coup au milieu, sur la ligne blanche, puis corrigeant trop sa trajectoire, se faisant voler la poussière du bas-côté. « Matty, va vite !» me dit ma nouvelle petite amie, d'un ton paisible, style « Oh, comme c'est intéressant !» Elle avait passé un bras autour de mon cou. Nous étions potes, pas de doute. Sa remarque, cependant, me réveilla. Matty allait vite, d'accord, trop vite même. Si elle continuait comme ça, elle allait vraisemblablement empapaouter l'arrière de ma Chevrolet. Et si je ne me sortais pas de là, Blondinette et moi avions des chances d'être aplatis entre les deux véhicules. Je reculais sur toute la longueur de ma voiture, sans quitter la Jeep des yeux et hurlais. « Ralentissez, Matty, ralentissez !» Voilà qui plut à la petite mignonne. « Lentissez, Matty !» cria-t-elle à son tour, en se mettant à rire. « Lentissez, Matty !» Les freins crissèrent, au comble de la torture. La Jeep exécuta une dernière et périlleuse embardée, tandis que Matty s'arrêtait sans utiliser l'embrayage. Le pare-choc arrière du scout s'immobilisa, si près de celui de la Chewy, qu'on avait pu coincer une cigarette entre les deux. Les relents fauves et féroces de l'huile brûlée empestaient l'air. La fillette agitait une main devant elle et toussait avec affectation. La portière s'ouvrit brutalement. Matty en jaillit à la vitesse d'un acrobate de cirque propulsé par un canon, à condition d'imaginer l'artiste habillé d'un vieux short à motifs fleuris et d'une blouse de coton. Sur le coup, je me dis que la grande sœur de Blondinette avait été chargée de garder l'enfant, et que Matty et maman étaient deux personnes différentes. Je savais, certes, qu'en grandissant, les enfants passent souvent par une période au cours de laquelle ils appellent leurs parents par leur prénom. Mais la blonde aux joues pâles qui venait de faire son apparition me paraissait avoir 12 ans, 14 tout au plus. J'en conclus que la brutalité avec laquelle elle avait traité le scout donnait peut-être moins à sa terreur qu'il ne soit arrivé quelque chose à la petite qu'à une totale inexpérience de la conduite d'un véhicule. Il n'y avait pas que cela, pas vrai ? J'avais tiré une deuxième conclusion. Le 4x4 couvert de boue, le short fleuri trop grand et la blouse informe qui sentait les soldes à Monoprix, les longs cheveux jaunes retenus par de simples élastiques rouges et, par-dessus tout, l'inattention qui fait que la môme de 3 ans que l'on vous a confiée peut prendre la clé des champs. Tout cela était synonyme de Romanichel et de roulotte, pour moi. Je sais bien ce qu'on pourrait m'objecter, mais j'avais de bonnes raisons de me permettre ce jugement. Sans compter, bon sang, que je suis moi-même d'origine irlandaise. Mes ancêtres étaient des Romanichel, à l'époque où les caravanes étaient des roulottes tirées par des chevaux. « Que ça pue ! Que ça pue !» dit la petite fille en agitant sa main potelée. « Scooty pue !»« Où est le maillot de bain de Scooty ?» pensais-je. C'est alors que ma nouvelle petite amie me fut arrachée des bras. Maintenant qu'elle se tenait près de moi, je me sentais moins sûr que Matty était la grande sœur de la jeune beauté en maillot de bain. Certes, Matty devait attendre que le siècle suivant soit sérieusement entamé pour atteindre l'âge mûr, mais elle n'avait cependant pas 12 ou 14 ans. Je lui en donnais maintenant 20, ou peut-être 19. Lorsqu'elle m'enleva Blondinette, je vis une alliance à sa main gauche. Je remarquai également les cernes sombres qu'elle avait sous les yeux. Une peau grise tirant sur le mauve. Elle était jeune, mais c'était la peur et l'épuisement d'une mère que je contemplais. Je m'attendais à ce qu'elle donne une bonne correction à la petite, parce que c'est ainsi que les mères romano réagissent lorsqu'elles sont fatiguées et apeurées. Je m'arrangerai alors pour l'en empêcher, d'une manière ou d'une autre, en m'efforçant de détourner sa colère sur moi, par exemple. qu'on ne voit rien de noble dans cette attitude, dois-je ajouter. Il s'agissait pour moi de faire en sorte que la fessée, les claques et les insultes hurlées en plein visage aient lieu en un temps et un endroit où je n'aurais pas à être le témoin. C'était le premier jour où je passais dans le TR-90. Je n'avais pas envie d'en consacrer une seule minute à voir une dévergondée maltraiter son enfant. Mais au lieu de la secouer et de lui gueuler « Où est-ce que t'étais, sale gosse ?», Mathie étreignit la fillette, qui lui rendit son étreinte avec enthousiasme, sans manifester la moindre crainte, puis couvrit la petite tête de baisers. « Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la caboche? J'ai cru mourir quand j'ai vu que je ne te trouvais pas. » La jeune femme éclata en sanglots. Blondinette la regarda avec une expression de surprise si totale, si démesurée, qu'elle aurait été comique en d'autres circonstances. Puis le petit visage se contracta. Je m'éloignai d'un pas ou deux, les regardant pleurer et s'embrasser, et me sentis honteux de mes idées toutes faites. Une voiture se présenta et ralentit. Un couple âgé, le père et la mère machin truc, se rendant au magasin pour acheter la boîte de Gravenuts de ce jour de fête, nous regarda avec curiosité. Je leur adressa un geste impatient des deux mains. « Qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça? Barrez-vous, prenez vos clics et vos claques et disparaissez. » La voiture accéléra, mais la plaque minéalogique était du Maine, contrairement à ce que j'avais un instant espéré. Cette version du père et de la mère machin truc du coin n'allait pas tarder à courir tout le patelin. Mathie, l'adolescente jeune mariée, et son petit trésor, lequel petit trésor avait été sans aucun doute conçu sur le siège arrière d'une voiture ou dans la remorque d'un camion quelques mois avant la cérémonie légitimant la chose, en train de pleurer toutes les larmes de leur corps sur le bord de la route, en compagnie d'un étranger. Non, pas exactement d'un étranger, en compagnie de Mac Noonan, l'écrivain qui possédait un chalet au bord du lac. « Je voulais aller me baigner, » dit Blondinette entre ses larmes. C'était « baigner » qui paraissait exotique à présent. Le terme vietnamien pour extase, peut-être. « Je t'avais promis que je t'y amènerais cet après-midi, » répondit Mathie en reniflant. Elle reprenait néanmoins son sang-froid. « Ne refais jamais ça, petite vilaine, je t'en prie. Ne le refais jamais. Si tu savais comme maman a eu peur, je te promets vraiment, » dit la fillette, toujours en larmes. Elle se serra encore plus fort contre la jeune femme, enfouissant la tête au creux de l'épaule de Mathie. La casquette tomba et je la ramassai, me sentant de plus en plus trop dans cette scène. Je poussais le couvre-chef bleu et rouge entre les doigts de Mathie jusqu'à ce qu'elle ait refermé la main dessus. Je trouvais aussi que je n'avais pas à rougir de la façon dont les choses s'étaient passées et que ma fierté n'était pas dénuée d'une certaine légitimité. J'ai présenté l'incident comme s'il avait été amusant, et de fait il l'était, sauf que c'est toujours bien plus tard qu'on voit le côté comique de ce genre de situation. Sur le moment, c'était terrifiant. Et si un camion était arrivé dans l'autre direction, s'engageant un peu trop vite dans le virage? Un véhicule, justement, en sortait. Une camionnette, pick-up, d'un modèle que jamais aucun touriste ne conduisait. Deux personnes du patelin nous dévisagèrent en passant. « Madame ? » dis-je. « Mathie ? Je crois que je vais vous laisser, bien content que votre petite fille n'a rien. » Ces paroles, à peine sorties de ma bouche, je me sentis pris d'une irrésistible envie d'éclater de rire. Je m'imaginais, tenant ce petit discours à Mathie, un prénom qui sortait tout droit de films comme « La petite maison dans la prairie », d'une voix traînante, les pouces passés dans la ceinture de mon pantalon, le Stetson repoussé en arrière pour révéler mon noble front. Je me sentais un besoin aussi urgent que dément d'ajouter « Zet Bamina, mamzelle, zet la nouvelle maîtresse d'école ?» Elle se tourna vers moi, et je vis qu'elle était effectivement bien mignonne, même avec ses cernes sous les yeux et les deux couettes hirsutes qui lui encadraient la tête. De plus, je trouvais qu'elle ne s'en sortait pas si mal pour une gamine qui n'avait probablement pas encore l'âge légal de voter. Au moins n'avait-elle infligé aucune correction à la petite. « Je ne sais comment vous remercier, » dit-elle. Était-elle au milieu de la route ?« Eh ben, The Marseille sur la ligne, » dit la fillette avec un geste. « C'est comme le pavage piéton. » Elle avait pris un ton légèrement réprobateur. « Le pavage piéton, c'est pas dangereux. » Les joues de Mathie étaient déjà pâles, pourtant elle blêmit encore. Cela ne me plut pas de la voir ainsi, et j'aimais encore moins l'idée qu'elle allait rentrer chez elle, en voiture, dans cet état, en particulier avec la petite. « Où habitez-vous, madame ?»« Dévory. Je m'appelle Mathie Dévory. » Très bien, et maintenant la même scène dans la première partie du téléfilm. Hey « Hé ! Hé ! Viens ! Reste pas sur la route ! Reste pas sur la route ! Tiens ! C'est bon, je te tiens !» Kai ? C'est comme ça que tu t'appelles ? Comme Kaya ? C'est ma maman. Mais mon cœur, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? J'avais envie d'aller me baigner. Elle s'appelle Kaya ? C'est Kayla, mais parfois je l'appelle Kai. Moi, c'est Mathie Divor. Enchantée, Mathie. Et Je suis pas une mauvaise mère, hein, je vous jure. J'ai jamais dit ça. S'il vous plaît, ne parlez à personne de cet incident. On a déjà assez de problèmes comme ça. Bah vrai, mais c'est trop tard pour ça. Ouais. Merci d'avoir sauvé la vie de ma petite fille. Dieu vous a envoyé ici au bon moment. Dieu n'a rien à voir là-dedans. J'allais chez Buddy Jellison manger un hamburger. Vous savez, ça me fait drôle de vous voir en chair et en os. Je suis une de vos fans. Et j'en reviens pas que vous ayez surgi de nulle part et que vous ayez sauvé ma petite fille. Merci. Et vous savez qui je suis ? Bah évidemment. Vous avez hérité de la maison sur le lac, mais vous n'étiez pas revenu... Depuis la mort de ma femme. Oui. Bon. Fais attention à toi maintenant, d'accord ? T'approche pas de la route. Ravi de vous connaître, Mathie. Enchantée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Kayla. J'ai envie d'aller dans l'eau. Tu m'emmènes, maman ? Voilà, donc si on a choisi cette scène, c'est déjà parce que bah, c'est un des moments importants du livre, alors qu'on n'en a pas vraiment parlé. Ah bah oui, il s'agit quand même de la première rencontre voilà. Entre Mike et bah, son nouveau... Enfin, et son love interest. Mm-hmm. Et la petite fille. Et la petite fille, Mathie, qui deviendra bah, sa fille hein, à terme. Ouais. Avec les encouragements de sa défunte femme. Ouais. Et bah, c'est là qu'on se rend compte, je trouve, de tous les problèmes du... Enfin, d'une partie, en tout cas, des problèmes du téléfilm. Hein. C'est que... Ouais, c'est ce qu'on se disait en off, en fait, au moment de choisir la scène. Mmh. C'est toi et Sam qui me l'a dit, c'est que c'est une scène où on se rend compte à quel point la dimension roman à la première personne, et donc la dimension dans la tête du personnage, est importante. Parce que bah, tout le côté... véhiculation des clichés que peut avoir Mike. Parce ouais, sur les jeunes mères, sur les Romanichel. Parce qu'il vient de la grande ville, tout ça, est très importante et très présente dans toute la scène que je viens de lire. Alors que bah, elle est totalement absente du film. Mmh. Et... Puis même, je trouve que le Kira est plus... Enfin, l'actrice joue pas trop mal pourtant, l'actrice dans le téléfilm, mais là, je trouve qu'elle fait plus vivante. Ouais. Il y a la remarque sur la ligne blanche, oui, c'est une forme de logique, on va dire, pour un enfant. C'est rigolo, quoi. Ouais. Effectivement, oui, à un autre moment, ça serait rigolo. Il y a le seul passage identique, enfin dans le téléfilm, l'un des seuls passages identiques, c'est le fait que on comprend que oui, il y a des gens qui ont vu la scène, et que ça va très vite se répéter dans toute la ville. Ça, effectivement, c'est un thème récurrent. Mm. Là, ça amène bien la nouvelle aussi, enfin, le roman, que, bah, effectivement, c'est une route où il y a des passages potentiels, et ça sera réutilisé contre Mathie, justement, lors de l'audience avec le responsable de la garde. On dit, on pose beaucoup de questions à Mike là-dessus, en fait. Oui, passage qui, d'ailleurs, dans le film, est pas trop mal. Oui, c'est une scène qui fonctionne pas trop mal, effectivement. Ouais. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Dans le roman, c'est une scène qui est vraiment, bah, comme tu l'as dit, pleine de vie avec la présence de la petite et ses réponses en fait logiques d'enfant. Oui. Et bah, c'est la relation entre les deux personnages qui commence à naître. La scène est beaucoup plus longue, hein. On s'est arrêté finalement au début de la scène, puisque ça va bien plus loin après les discussions qu'ils ont, que Mike et Mathie ont. Bah, de fait, vu que justement on passe beaucoup de temps dans la tête de Mike avec beaucoup de commentaires de lui, voilà. c'est vrai que ça rajoute forcément du temps. Hein. C'est ça. Alors que la scène paraît un peu plus bâclée, finalement, dans le téléfilm. Quoi. Plus anecdotique, surtout. Ouais. Oui, bâclée est peut-être un mot un peu fort. Je pense que c'est une histoire de réalisation aussi, il aurait fallu... Dans mon souvenir, en plus, dans le téléfilm, tu vois que la caravane de Mathie est vraiment juste à côté de l'endroit où était la petite. Et ça fait limite, je sais, une forme de gag, comme si tu aurais dû voir la maison depuis le début, mais non. Tandis que là, tu... Bah là, elle arrive en bagnole, donc tu te doutes que bah, ça fait depuis un moment que s'est barrée la gamine. Pas forcément, mais que dans tous les cas, Mathie a jugé qu'il fallait prendre la voiture au cas où, effectivement, tu sais pas trop d'où vient la gamine, depuis combien de temps elle est là. Alors que là, limite, bah, c'est la fin d'un épisode de Bénil, en fait. Il courait après direct. C'est ça, elle devait limite se voir, en fait, depuis la maison, en cherchant bien. Donc ouais, c'est... Bah voilà, encore une fois, ça adapte les événements en eux-mêmes, mais pour tout le reste, quel est le plus important, en fait, ça échoue. Bah oui, voilà. Et bah, c'est le signe d'une adaptation pas réussie. Oui, parce que c'est... comment dire, le fait que Mike arrive avec des clichés plein les valises, c'était possible. Parce qu'il aurait suffi de réécrire un peu le dialogue, d'y glisser deux, trois remarques un peu clichés, beauf. Ouais, c'est voilà, ça. Voilà, ça serait passé. C'était même pas dans le jeu, il aurait fallu peut-être qu'il y ait plus de méfiance de sa part. Enfin, oui, il y aurait eu plein de choses à faire, hein, je pense. Mais... Tu vois, par exemple, quand, dans le film, quand elle arrive, Mike aurait pu glisser une remarque genre « Ah, voilà ta grande sœur !» Ouais. Et voilà, direct, t'aurais eu un... Voilà, ça aurait déjà été ça, ouais. C'est tout, en fait. Ça nécessitait juste de réécrire un peu les dialogues. Ça n'a rien de compliqué, finalement. Mm-hmm. C'est ça qui est dommage. Bah, je pense que pour ce genre d'adaptation, ils prennent tellement de temps pour mettre toutes les explications textuelles qu'au final, ils coupent à mort dans le reste. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, ça donne ça. Mais bah, pour un roman très axé sur la psychologie, forcément, c'est une grosse perte. Quoi. Là, c'est ça. Ce qui prouve encore une fois que King, c'est vraiment pas que des événements horrifiques, hein. On l'a répété pas mal de fois, mais il y a beaucoup d'à côté importants. Bah, attends, si tu regardes au final le classement, notre classement à nous personnel, déjà les, en tête, c'est pas que l'horrifique à Donf. Ouais. Déjà. Et puis même, si tu regardes l'ensemble, de son travail, au final, l'horreur pure ne représente pas la majorité des œuvres. Hein. Oui, c'est ça. Vraiment, horreur pure, c'est plutôt des nouvelles, même d'ailleurs. Ah, oui. En vrai gros roman bon d'horreur pure, mis à part ça, ouais, qui est vraiment de l'horreur pure et dure. Et bah, si, Cimetière est quand même horrifique, oui. Mais il y a quand même une grosse part psychologique et dramatique dans Cimetière, mais c'est quand même assez horrifique. Ah, même si Cimetière, faut attendre très longtemps avant que l'horrifique arrive. Oui, hein, voilà. Le chat, il n'est pas ressuscité avant 200 bonnes pages aussi. Mmh. Hein. Mais du coup, il n'y a que ça qui est vraiment horrifique. Ouais. Parmi ces titres les plus connus, en tout cas. Mmh. Alors, il est grand temps de passer au classement des livres. Comme d'habitude, c'est moi qui vais vous le lire. Issam s'occupera du classement des films. En ce qui concerne les livres, donc, nous avons un classement qui compte maintenant 37 œuvres quand même. Rappelons qu'on mélange autant les romans que les nouvelles. On fait pas de distinction. Les 5 premiers étant Cimetière, Ça, Charlie, La Part des Ténèbres et Dead Zone. Et les 5 derniers étant Le Dentier Claqueur, La Pastorale, donc le cobaye, L'Année du Loup-Garou, Dr Sleep et Grand Chauffeur. On va pas tourner autour du pot, Issam, Sac d'Os, pour moi, c'est dans le top 3. Oui, ouais, ça, oui. Maintenant, à voir où est-ce qu'on le met dans le top 3. Déjà, pour moi, c'est au-dessus de Charlie. Au-dessus de Charlie, c'est sûr, ouais. C'est au-dessus de Charlie. Pour moi, au-dessus de ça, clairement, aussi. Ouais, ouais, ça mérite quand même d'être au-dessus de ça. Hein. Rien que pour le développement des personnages. Ouais. Et par contre, c'est avec Cimetière que ça pose problème, parce que Cimetière, c'est quand même très très bien aussi, on est d'accord. Là, pour le coup, moi, je vais te laisser décider, parce que les deux places me paraîtraient totalement justifiées. Ouais. Bah, moi, je t'avoue que j'ai quand même une préférence pour Sac d'Os. Bon, allez, oui, ça changera un peu notre première place, en plus. Ça va bouleverser la tête du classement. Mais oui, c'est vraiment un excellent roman. La psychologie de son héros est super bien gérée, l'intrigue est très très bien construite, donc... Pour moi, c'est une première place tout à fait légitime. Si on fonctionnait sur l'égalité, ça serait l'égalité avec Cimetière. Oui, mais bon. Faut... Oh, mais il y a des chances que les deux têtes de classement ne changent plus maintenant. Ouais, là, il nous reste des très bons trucs à voir, mais là, on est vraiment sur de l'excellent. Et ben voilà, donc ça voilà, prend la première place. La première classement. Place change pour la première fois du podcast. C'est vrai. Et Sac d'Os prend cette première place. Et voilà. Le nouveau trio de tête étant, du coup, Cimetière, Sac d'Os, Cimetière et ça. C'est quand même un putain de trio de tête. Mmh. Et pour les films, donc pour les films, nous en avons plus, puisqu'il y a 48 choses pour le moment. Avec aux 5 premières places, Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Christine de John Carpenter... Et aux 5 dernières, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. T'as que des bons trucs. Ouais. Et bah clairement, ça va pas pouvoir aller bien haut, hein, la version des films. Non. C'est pas parmi les pires. Non, mais c'est moyen bas, quoi. Ouais, parce qu'il y a encore la maîtrise technique, donc voilà. Mais on est clairement sur du moyen bas, je regarde un peu. Aïe aïe aïe. C'est déjà, moi je le mettrais en dessous de la 34e place, en dessous de Quand l'autovirus met cap au nord. Ouais. Qui est pas ouf, mais qui est divertissant par moment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ça peut se rapprocher en fait dans le ressenti d'un La Tour Sombre. C'est-à-dire, ouais. C'est chiant. C'est mal raconté, visuellement c'est pas dégueu et tu sens qu'il y a du gâchis. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense qu'au choix, je le mettrais en dessous de La Tour Sombre. Ouais, quand même. Ça va être le jeu d'acteur. Hein. Ouais, c'est pas la performance de la vie d'Idriss Elba, loin de là, mais il s'en sort quand même mieux que Brosnan là. On est d'accord. Ouais, pour moi, en dessous de La Tour Sombre, ça me paraît bien. Ah, en dessous des Démons du Maïscap, ça serait méchant. Ah. Oui, ouais, non, faut pas déconner non plus. Ça... Mais ouais, 36e place, parce que c'est pas top, et en partie pour le potentiel gâché, hein, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me va. Ce qui fait du coup un gros décalage, quand même, entre la première place pour l'écrit et la 36e pour son adaptation. C'est peut-être le plus grand écart. C'est un des plus grands, en tout cas, ouais, c'est à revérifier, mais... Attends, je vérifie. Mais ouais, je pense que c'est le plus grand, effectivement. Voilà, nous on se retrouve dans 2 semaines pour parler de Darkseid, les contes de la nuit noire, un film à sketch dont un des segments est adapté d'un chat d'enfer, oui. Une nouvelle présente dans Juste avant le crépuscule. Oui, exactement. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi. Pour moi, pour l'instant, on sait pas trop, parce que pour l'instant, j'ai plus de compte Twitter, parce qu'il y a eu des bizarreries de manipulation de comptes. Donc soit j'y retrouve l'accès, soit ce sera un nouveau compte, c'est ça ? C'est ça. C'est exactement ça. Mais bon, vous pouvez m'en trouver sinon sur... nulle part, en fait, sur notre Discord. Ouais. Le lien sera dans la description. Si, à la limite, si sur Twitter, on peut toujours passer par le compte commun... De The Lost Tales. Oui, voilà, de la chaîne. Il y a d'autres personnes qui le fréquentent, mais. De la chaîne Twitch The Lost Tales par moi et mon co-streamer Florian. Oui, mais il renverra les messages s'il les voit passer. Voilà. S'il voit que c'est pour toi. C'est un moyen. C'est un moyen. Mais on va quand même essayer de régler le problème autrement. C'est vrai qu'il serait temps. Ce serait bien. Et donc, on se dit à 2 semaines et n'oubliez pas. Que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.